Vous écoutez Radio Active. Libre Antenne, l'émission qui ne laisse pas les dossiers au placard. Hey, you can change this record now. Come on, baby. Let's get it on. Hold it right there. It's time I slowed you down. Et ça va être un thème chaque dimanche à 14h heure de Paris, 8h heure de Québec. Bon. J'entends pas de son du tout. Aucun retour sur l'émission, rien. Je sais pas si t'entends. Ludo, tu m'entends bien ? Bonjour, nous sommes ouais, à l'antenne. Ouais, je t'entends bien, donc, ça y est. Aujourd'hui, oui, je suis bien là. Roswell. Oui, effectivement, je ne sais pas si on m'entend bien par contre. Oui, on t'entend très bien, ça passe très très bien. Ok, parfait. Alors aujourd'hui, on va parler de Roswell. Bah, tout déjà, merci de m'avoir un petit peu invité dans ton émission. Je connais pas encore trop bien le concept. J'ai écouté une fois et ça a l'air pas mal du tout. Donc, j'avais envie de parler de Roswell parce qu'il y a eu des nouvelles révélations assez récentes. Notamment, je fais un gros travail depuis une paire d'années avec un monsieur qui s'appelle Gildas Bourdet et qui a collecté pas mal d'informations sur Roswell. Et on sait très bien que Roswell, il y a plusieurs théories, une officielle et deux officieuses, et moi j'aurais aimé justement parler un petit peu des théories un peu plus officieuses, un peu plus souterraines, mais par contre qui sont bourrées de nouveaux témoignages. D'accord. Monsieur Bourdet, il est qui exactement dans Roswell? Il a travaillé sur les plateformes là-bas dans... Gildas Bourdet, c'est un ufologue français qui a écrit beaucoup d'ouvrages à propos de Roswell. Il est français, mais il a été à Roswell, on va dire, une vingtaine de fois. Donc, il a carrément interviewé directement les petits-enfants et les enfants des personnes, des cadres militaires qui ont été sur place, des cadres militaires en retraite. Donc, il a eu des témoignages, on va dire, plutôt directs, qui ne concordent pas du tout avec la version officielle, effectivement. D'accord. Et ces personnes-là, vous les avez rencontrées comment? Vous les avez connues comment? Alors, Gildas Bourdet, moi, je l'ai connu à l'occasion de repas ufologiques à Nancy et Metz, donc une ville, on va dire, pas loin de chez moi. Repas ufologiques, c'est une association française qui organise des repas ufologiques dans toutes les grandes villes de France. Il y a actuellement 19 repas ufologiques tous les deux mois en France, dans 19 grandes villes. Cette association a pour but de révéler un petit peu au grand public ce qui se cache aux yeux de tous, notamment par les gouvernements. Cette association invite régulièrement des gens qui ont été confrontés aux problèmes ufologiques, des pilotes d'avion, des anciens cadres de l'armée, aussi bien français qu'internationaux. On a eu dernièrement au repas ufologique parisien, on a eu un monsieur qui s'appelait je vais retrouver le nom, c'est pas grave, j'ai pas noté, c'est pour dire en fait cette association là si tu veux, toi qui connais pas, elle a vraiment pour but, c'est gratuit en fait, hein, les gens viennent, c'est dans un restaurant. On organise une grande bouffe et des gens font des conférences les uns après les autres, ils passent, ils présentent leur ouvrage, des fois c'est même des anonymes qui présentent leur témoignage personnel à eux, donc un peu c'est comme toi la libre antenne, tout le monde peut s'exprimer dans les repas ufologiques, mais il y a souvent des grandes têtes qui viennent et qui partagent un petit peu leurs connaissances, et c'est à cette occasion que j'ai connu Gildas Bourdet. Voilà. D'accord. Et les sources, ce sont des sources vraiment fiables qui viennent, officiellement de personnes qui étaient sur le site de Roswell. Alors, justement, je voulais faire une petite mise au point sur les sources et sur, on va dire, la fiabilité des témoignages et sur l'officialité des événements. J'ai fait un article il y a pas longtemps sur Tactical qui s'appelle "Définition du mot croyance". Parce qu'en ce moment, on est sujet à une... J'ai l'impression qu'il y a une grande vague de déclassification de documents dans plusieurs grands pays, notamment la Russie, l'Italie, la France, l'Angleterre. Les États-Unis, ils sont toujours un petit peu dans le cover-up, mais c'est pas grave. Et donc, en ce moment, on a deux courants de pensée qui s'opposent. On a les croyants et les non-croyants. Moi, je ne parle pas en termes de croyance. Je parle... Parce que moi, je ne crois en rien du tout. Hein. Soit je suis convaincu ou soit je ne suis pas convaincu. Par contre... Ce que je vais expliquer ce soir, les sources, c'est les témoignages. Donc forcément, c'est un petit peu comme le 11 septembre, hein, il n'y a rien d'officiel, puisque c'est des témoignages. Les témoignages, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de, de rapport, de procès verbal, rien n'est officiel, puisque c'est des témoignages. Par contre, c'est des témoignages directs d'enfants, de petits-enfants, des personnes qui étaient là-bas. Et c'est Gildas Bourdet donc, qui a collecté ces témoignages. Donc je reprends ces travaux et profite de l'antenne pour faire partager ces informations. Donc les sources, effectivement, ça reste du témoignage. D'accord. Donc je crois que on va se tutoyer. Hein. Ça sera plus oui, ça sera bien. Plus sympa. Voilà. Donc tu as pas mal de petites choses à nous faire entendre, je crois. Et ben je vais te laisser donc la libre antenne. Après on se retrouvera pour un débat. Oui. Je pense que les auditeurs, ça devrait les intéresser. J'invite tous les auditeurs qui sont sur Subcast à venir nous rejoindre sur radio-actif.cx et à se connecter sur la Communication Room pour venir poser vos questions et éventuellement à vous connecter sur Skype où là, on pourra faire, vous pourrez intervenir directement aussi, poser vos questions en direct, en live. Voilà, donc Ludo, je te laisse l'antenne et puis on t'écoute. Eh bien, je vais commencer par une petite note de détente, juste pour justifier un petit peu mon retard. J'ai à mes côtés mon petit chien qui s'appelle Titus et qui m'a bouffé mon dossier de 25 pages sur Roswell, alors j'ai dû refaire toutes mes petites recherches sur mon ordinateur en 45 minutes depuis que tout à l'heure tu m'as contacté par Skype. Donc ça va, j'ai réussi à m'en sortir un petit peu. Je vais essayer d'être pas trop fouillis, j'ai à peu près 200 pages de documentation. J'ai aussi des documents qui ont été déclassifiés par la loi FOIA, ça je pourrais les envoyer dans la com room, c'est des PDF, je pense que je peux arriver à faire ça, on va essayer de faire ça. Maintenant, voilà comment je vais présenter mon travail, je vais déjà un petit peu expliquer les faits, faire un petit rappel de ce qui s'est réellement passé à Roswell. Je ne vais pas faire le détail de toute l'affaire de Roswell parce que ça serait beaucoup trop long. Je vais présenter les faits généraux, les deux thèses, les deux courants de pensée principaux et m'attacher tout de suite aux nouveaux témoignages et aux nouvelles révélations qui ont lieu depuis 2006 à peu près. Donc, pour le petit rappel, Roswell, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, Roswell, c'est une petite ville au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et un certain vendredi 4 juillet 1947, il s'est passé un événement que tout le monde connaît, je pense, maintenant. Il y aurait eu donc un crash de soucoupe volante, d'OVNI, du UFO. Et on aurait retrouvé, à quelques pas de ce site, des cadavres en décomposition avancée, et sur certaines théories, dont un vivant. Les deux courants de pensée sont les suivants. On a la première, c'est le gouvernement, je vais dire la version officielle, qui lui-même a établi trois versions depuis 1947. Donc là, déjà, on a un petit problème au niveau gouvernemental, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord une seule fois. Pour généraliser, la dernière version du gouvernement en question, ce n'est pas un ovni, ce n'est pas une soucoupe volante, c'est un train de ballon mogul. Alors il faut savoir que pendant les années 47, les Américains surveillaient énormément l'activité atomique et nucléaire russe. Donc en fait, ils envoyaient des trains à haute altitude, hein, au-delà de 20 000 mètres, donc au-delà de 20 km d'altitude, des trains de ballons moguls, donc c'est plusieurs ballons attachés entre eux, avec des capteurs, notamment des compteurs Geiger, intégrés au ballon et qui étaient censés surveiller l'activité des essais atomiques en haute atmosphère par les Russes. Donc ça, c'est la dernière version officielle, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que qu'est-ce qui s'est passé le lendemain qu'on a eu une affaire à Roswell? On a eu les journaux locaux qui ont fait état de la découverte par l'armée américaine. C'est un officier qui a parlé ouvertement et qui a dit « ça y est, on a trouvé une soucoupe volante ». Le lendemain, démenti officiel sur le même journal où effectivement non, c'était pas une soucoupe volante, mais c'était un ballon météo. Après un ballon météo, 10 ans plus tard, ça a été un autre système de ballon sonde avec des mannequins à bord, et la dernière version, comme je viens de l'expliquer, on est sur un train de ballon mogul. Donc le train de ballon mogul, c'est la dernière version officielle, celle qui est toujours d'actualité aujourd'hui. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse extraterrestre, bien entendu celle qui m'intéresse le plus moi personnellement, parce qu'elle est bourrée de témoignages. Il faut savoir que sur cette première thèse officielle et gouvernementale, on n'a quasiment pas de témoignages, à part les officiels eux-mêmes. Sur la deuxième hypothèse extraterrestre, on a à peu près plus de 600 témoignages collectés aujourd'hui, directs ou indirects, de personnel ayant assisté justement à la découverte de ce débris de vaisseau extraterrestre ou extranéen, de témoins directs ayant rapporté la découverte des corps, et certains même qui ont fait des cercueils pour ces mêmes corps, qui étaient des personnes civiles. Donc on a plus de 600 témoignages pour cette deuxième hypothèse, ce qui est relativement intéressant puisque elle est quand même beaucoup plus valorisée par les témoins que la première thèse. Alors je m'intéresse surtout à cette deuxième hypothèse extraterrestre. Alors pas parce que je crois aux extraterrestres, parce que je suis convaincu que c'est cette thèse qui est la bonne. Comme je parlais tout à l'heure, la croyance, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est de rapporter des faits, de voir un petit peu les éléments qui vont confirmer ou affirmer tous les faits énoncés. On va faire un petit rappel. Le jeudi 3 juillet 1947, on a monsieur un fermier qui s'appelle William McBrazel, qui était chez lui et qui assiste avec sa famille à un orage relativement violent. Malgré la violence de l'orage, il a l'occasion d'entendre en fin de soirée une énorme explosion. Voilà, donc il ne voit pas de lumière, il ne voit rien dans le ciel, mais il entend une explosion. Le lendemain, vendredi 4 juillet 1947, McBrazel se rend avec ses moutons, puisque c'est un berger. Il se rend avec ses moutons sur ses terrains, faire pâturer un petit peu, et il découvre un champ de débris à environ 16 km de sa maison. Témoignage direct de ce monsieur, hein, je rappelle McBrazel. Il était en compagnie de Timothy Proctor, le fils des voisins de la famille Proctor, qui était âgé de 7 ans, qui l'accompagnait souvent à cheval dans ses démarches professionnelles pour aller faire pâturer les moutons. Donc ils étaient deux ce jour-là, le vendredi 4 juillet 47. Ils découvrent donc un champ de débris, ils continuent un petit peu leur avancée et découvrent à 4 km à l'est plusieurs cadavres. Alors, on n'est pas encore OK sur le nombre de cadavres. Les derniers chiffres seraient de 4 cadavres. Je ne vais pas m'attarder sur les cadavres morts ou vivants. Moi, je parle que de cadavres. Parce qu'un cadavre, pour moi, il n'est pas vivant. Les cadavres vivants, les théories qu'on voit sur Internet de temps en temps avec un extraterrestre qui s'appelait Krill, qui aurait été capturé par la Royal Air Force, qui aurait été interrogé avec un certain hypnothérapeute, tout ça c'est du bidon. Moi je me rapporte au témoignage direct. Donc on a un certain nombre de cadavres, et je ne m'attarderai pas plus là-dessus, qui ont été découverts par McBrazel et Timothy Proctor. Ils ont quand même spécifié qu'ils étaient très abîmés, et qu'il y avait une odeur assez pestilentielle. Donc on pourrait en juger un état de décomposition relativement avancé bien qu'on n'ait pas d'informations concrètes à propos de ces corps et de leur physiologie. Donc on ne peut pas s'avancer sur est-ce que ces corps appartenaient vraiment au crash de Roswell qui était à 4 km à l'ouest. On ne sait pas. Hein. On sait qu'on a deux sites. C'est l'important ici, on a deux sites. Un site de crash avec des débris bizarres et un site avec plusieurs cadavres qui sentent mauvais et qui ont l'air en décomposition. Donc, nous sommes donc le vendredi 4 juillet. Et ce Timothy Proctor, assez choqué, donc le petit enfant de la famille voisine, la famille Proctor, rentre chez lui, va parler un petit peu avec ses parents et raconte un petit peu tout ce qu'il a vu. Je veux préciser quand même une chose, c'est que ce que je viens d'expliquer ici, au niveau des sources, je vais quand même les afficher un petit peu. Donc les témoignages sur cette découverte sont indirects. Donc pour cette raison, la découverte là a été laissée longtemps de côté par les enquêteurs. Je vais quand même les nommer. Donc il y a Loretta Proctor, la mère de Dee, donc le petit jeune, Timothée Dee Proctor. Il y a Sidney Jack Wright, qui était un camarade de ce petit jeune de 7 ans, de Dee. Et il y a le journaliste Frank Joyce, auquel Brazel en a parlé au téléphone dès le dimanche 6 à Roswell, hein, donc le week-end qui suivait direct. Sidney, le fils d'un employé du ranch Richard, qui est situé au sud du ranch Foster, a témoigné en 98 qu'il avait vu lui aussi des cadavres en présence de Mac Brazel. Par contre, Mac Brazel n'a pas confirmé. Donc selon lui, Brazel était très impressionné par la découverte. Moi j'ai un petit peu de mal avec ce dernier témoin parce que Brazel lui-même n'a pas confirmé. Maintenant, Mac Brazel, quand il a témoigné, était relativement âgé. Donc voilà, pensez ce que vous voulez. Maintenant, les faits sont établis. On va continuer la petite histoire. Donc on a monsieur McBrazel qui rend visite à ses voisins les plus proches suite à cette découverte, donc Floyd et Loretta Proctor, les parents donc du petit Timothée, dont le ranch est à environ 10 miles, hein, donc 16 km, et il leur montre des débris qu'il avait récupérés sur place, donc des débris qui lui paraissaient un petit peu bizarres parce que des matières qui ne correspondaient pas du tout aux matériaux qu'on pouvait trouver sur l'aéronautique en vigueur. Je rappelle, on est en 1947, même si monsieur Mac Brazel n'est pas un militaire de la Royal Air Force, il sait ce que c'est de l'aluminium, il sait ce que c'est du bois, il sait ce que c'est du métal banal. Donc Brazel, habituellement qui est calme et réservé, là il est très excité. Quand il arrive dans cette famille Proctor, il est complètement speedé en fait, hein. Ils l'ont jamais vu comme ça, hein. Ça c'est eux qui le disent. Donc il leur propose d'aller voir le site. Sur le moment, les Proctors veulent pas se déplacer, ils y croient pas trop et il insiste un petit peu. Et puis il y a monsieur Floyd qui ira plus tard voir le terrain et il ira lui aussi ramasser des débris qui seront ensuite récupérés par l'armée. Donc finalement, là on a deux personnes qui sont en détention de débris. On a d'autres voisins qui viennent voir le champ de débris. On a un certain Bud Eppers. Pour tous ceux qui veulent faire des recherches, on a Truman Pierce, P-I-E-R-C-E, et on a Glaz Sacra, G-L-A-Z-E, Sacra, comme ça se prononce. On a les parents de Danny Boswell, qui ont un ranch à 40 km de là, à l'est, qui viennent voir aussi. Donc tous ramassent, il faut savoir, tous ramassent des morceaux de débris, qui seront ensuite récupérés sans ménagement par l'armée. Parce que toutes ces familles-là seront visitées par les services secrets, la CIA, le FBI, et d'autres administrations américaines militaires avec ce fameux TSC, donc Top Secret Cosmic Level. Donc c'est le niveau Top Secret Cosmic, ça veut dire que c'est quasiment la loi martiale qui s'applique dans les cas-là. Hein. Ces messieurs-là déboulent chez vous et ils vous disent qu'ils peuvent tout récupérer, ils n'ont pas besoin de mandat, ils viennent chez vous, ils rentrent chez vous et ils repartent quand ils ont pris ce qu'ils voulaient. Hein. Et vous pouvez aller en prison, vous pouvez être baïonné, ces gens-là ont tous les droits. Donc Brazel se demande comment nettoyer le champ de débris, que ses moutons refusent de traverser le champ en fait, les moutons sont un petit peu apeurés. Donc ça c'est confirmé par lui-même. Donc le samedi 5 juillet, il va à la petite ville de Corona, située à 50 km à l'ouest du ranch. Et là il montre des débris à son oncle, qui s'appelle Hollis Wilson, au patron du Wade's Bar, et à l'épicerie, la General Store. Donc, voulant résoudre son problème, parce qu'il s'est retrouvé quand même avec un champ de débris hallucinant, on est sur plus de 4 km carrés, les moutons ne veulent même plus pâturer. Donc, il montre une partie des débris à un ami à lui, perso, qui est policier, qui s'appelle Robert Scroggins, qui a témoigné aussi, qui lui conseille d'aller voir les militaires à Roswell. Un nouvel élément intéressant est apparu il n'y a pas longtemps. dans la seconde édition du livre de M. Gildas Bourdet, c'est un certain témoignage de Carré et Schmitt. En fait, à Corona, Mike Brazel avait téléphoné au propriétaire du ranch, les frères H et JB Foster vivant au Texas, pour leur apprendre son extraordinaire découverte. Donc, deux témoins le confirment, l'ancienne épicière de Corona, Géraldine Perkins, qui avait à l'époque l'unique ligne téléphonique, on était en 47, je le rappelle, et une fille de JB Foster, Jo-Anne Purdy. Celle-ci avait précisé que son père, elle n'en avait jamais parlé publiquement. Il avait eu des menaces par l'armée et les services secrets, comme Brazel, par les militaires en fait. Je cite beaucoup de noms dans ce show, dans cette émission, justement parce que les noms c'est important, parce que les 600 témoignages qui viennent appuyer cette théorie, qui reste une théorie pour le gouvernement, on a quand même beaucoup plus de témoignages ici pour l'hypothèse de crash d'OVNI que le gouvernement lui-même avec un train de ballon mogul où personne quasiment n'a vu un train de ballon mogul, hein, à part les militaires eux-mêmes. Juste un point à souligner qui est important pour comprendre le déroulement de l'histoire. Dès le début du week-end, il y a pas mal de gens des environs qui sont déjà au courant des débris étranges, hein, puisque Mike Brazel en a parlé un petit peu autour de lui, comme je viens de le préciser. Il a été en ville et il a été voir un petit peu de gens. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont été sur place et qui ont ramassé ces débris. Donc, on se retrouve avec pas mal de témoins visuels directs de débris qui sont considérés comme bizarres, genre des espèces de métaux, genre feuilles d'aluminium qui reprennent leur forme. On peut les plier, on peut les tordre, mais on ne peut pas les déchirer. Elles reprennent toujours leur forme. Donc des formes plates ou avec des angles assez obtus, mais toujours une forme originale en fait. Hein. Ce qu'on ne peut pas faire avec du papier d'étain comme on avait à l'époque. Aujourd'hui on a le papier aluminium, à l'époque c'était le papier d'étain. Le papier d'étain, une fois qu'il est roulé en boule, il est froissé. Quoi. Donc il n'y a pas lieu à avoir polémique là-dessus, les gens ont vu des débris bizarres. Voilà. De plus, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il n'y a personne à identifier de ballon météo comme j'ai dit. Hein. Les cibles radar montées sur des baguettes de balsa comme l'armée le disait, des matériaux banaux hein, que tout le monde connaît bien, puisque le balsa existait déjà en 47 sans problème dans la vie civile. Et il faut savoir que c'est ce qui constitue encore aujourd'hui l'explication de l'armée de l'air américaine. Donc on est devant un phénomène de dénigrement total de la part du gouvernement américain. Hein, puisque, je le répète, le gouvernement américain disait que les matériaux spéciaux, c'était du papier d'alu et des baguettes de balsa. Alors si vous connaissez le balsa, pour ceux qui font des maquettes, hein, vous prenez une petite baguette de balsa, vous la tapez un peu trop fort sur le genou, elle casse. Hein. Ces gens-là n'arrivaient pas à casser le matériau. Le dimanche 6 juillet, donc qui suit cette affaire, on a Mike Brazel qui vient à Roswell avec quelques débris. Évidemment, le policier que j'ai nommé tout à l'heure a conseillé d'aller voir l'armée, donc il s'exécute, comme c'est un ami le policier. Donc, il a une trentaine de kilomètres de chemin de terre à faire, plus ou moins chaotique. Le trajet est d'environ 160 km au total, dure 3 heures avec sa vieille voiture. Donc, il roule un bon moment avec des débris dans sa voiture. Il va montrer ses débris en premier au shérif George Wilcox ce dimanche 6 juillet, qui appelle aussitôt la Roswell Army Air Force, la base des bombardiers B-29. Il faut savoir que cette base était la seule base au monde à détenir des ICBM, donc des missiles intercontinentaux balistiques, des missiles nucléaires. Hein. C'était la base la plus puissante au monde et la plus surveillée au monde, puisque c'était la seule base aux États-Unis et dans le monde à cette époque, en 47, donc en août 47, en juillet 47, qui détenait des armes nucléaires fonctionnelles prêtes à partir. Hein. On est juste avant la guerre froide, de toute façon, donc on comprendra bien que les Américains étaient un petit peu sur les dents. Donc, il va avoir cette base des bombardiers B-29 qui est située juste au sud de la ville. Donc, il y a des officiers qui viennent rapidement, qui examinent les débris et qui retournent à la base avec Brazel. Donc, auparavant, on a Wilcox qui a passé Brazel au téléphone, jeune journaliste Frank Joyce de la radio locale KGFL, qui vient aux nouvelles à ce moment-là. On a un premier entretien à ce moment-là de Brazel avec Joyce, à qui il révèle avec émotion qu'il a découvert des corps étranges. La première chose qu'il a dit, « They are not human ». Ils ne sont pas humains. Il en était certain. Ok, rien que par la taille, je suppose. Voilà, n'importe qui aujourd'hui tombe sur des corps qui ne ressemblent pas à des humains, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. On sait ce que c'est des humains, des singes, c'est pas pareil. Voilà. Je dis ça ironiquement parce que l'armée a toujours tendance à maquiller les choses. C'était des mannequins en bois ou c'était des singes pour des essais spéciaux. Donc Joyce finira par révéler cet entretien en mai 98. Frank Joyce, qui a fait part de ce témoignage. Dès le dimanche soir, on a Mac Brazel qui repart au Ranch Foster avec le commandant Major Jesse Marcel, qui est responsable de la sécurité de la base de la RAAF, des bombardiers B-29. Avec un capitaine qui s'appelle Sheridan Cavitt, qui est responsable du contre-espionnage sur les ordres du colonel William Blanchard. Ce dernier donc informe aussitôt de la découverte sa hiérarchie, il va en parler donc à ses boss sur la base de Carswell, près de Fort Worth, au Texas. Laquelle informe à son tour le Pentagone à Washington. Donc c'est une affaire qui remonte vraiment jusqu'au plus haut point, puisqu'on se retrouve avec le Pentagone qui est mis en état d'alerte. Si le Pentagone est mis en état d'alerte alors que c'est un train de ballon météo ou un train de ballon mogul, à l'époque c'était un train de ballon météo, le train mogul c'est arrivé qu'après. Donc le Pentagone est en pleine alerte alors que c'est juste un ballon sonde, on va dire, qui s'est crashé, ce qui est assez paradoxal. Donc c'est à Fort Worth que se trouve le quartier général de la 8e armée aérienne, dirigé par le général Roger Ramey, et son adjoint, le colonel Thomas Dubose, D-U-B-O-S-E. Donc à Fort Worth, le colonel Dubose reçoit l'ordre du général de division aérienne Clements McMullen, commandant adjoint du Strategic Air Command, pas un petit gars, on est d'accord, d'envoyer immédiatement à Washington des débris dans un sac scellé pour analyse. C'est le premier vol de l'aviation Roswell-Fort Worth avec le lot de débris apporté par Brazel dès le dimanche soir. Très important. On a un avion militaire qui décolle direct, qui fait le trajet Roswell-Fort Worth avec tous les débris rapportés par Brazel. Donc le colonel Dubose supervise à Fort Worth le transfert sous sac scellé par livraison d'urgence à Washington. Ensuite confie au colonel A.L. Clark, commandant de la base de Carswell, un premier lot de débris. Va être donc examiné au Pentagone dès le matin du lundi 7. Ce qui va provoquer, il faut le dire quand même, une série de réactions en haut lieu jusqu'à la présidence de la République, quoi. Pour rester dans la chronologie, on arrive à un lundi 7 juillet. Je reste assez précis parce que tout ça, c'est des témoignages relativement récents. On a Marcel et Cavitt qui vont justement voir ce jour-là le champ de débris. Alors ça se passe comment? On a le commandant Jesse Marcel et le capitaine Cavitt qui inspectent le champ de débris toute la journée. Ils retournent le soir à Roswell, bien sûr, pour se reposer. Marcel est resté plus longtemps sur le site et passe chez lui très tard en revenant. Première chose qu'il fait, ce commandant Jesse Marcel, très interloqué par les débris de ballon météo, entre guillemets, il va montrer les débris à sa femme, qui s'appelle Viode, et à son fils, Jesse Marcel Jr. Donc déjà, le gars, il ramasse des débris qui sont des simples bouts de balsa et de papier d'alu, mais il va les montrer à sa femme. Ça, c'est lui qui a témoigné directement. Donc celui-ci va devenir 40 ans plus tard un témoin direct important sur les débris, parce qu'il va se retourner lui-même contre l'armée, puisqu'il va avouer plus tard que ces débris n'avaient rien de terrestre. En août 2007, il y a 3 ans, la chaîne Sci-Fi, que tout le monde connaît, Sci-Fi, a révélé un nouveau témoin sur cet épisode. L'ancien lieutenant Jacques Trowbridge, qui était membre du service de sécurité de Jesse Marcel, il raconte qu'il jouait au bridge avec ses collègues quand Marcel est revenu du Ranch Foster et leur a montré les débris. Alors on peut remarquer par ce nouveau témoignage que c'est pas tout à fait cohérent avec ceux des Marcel père et fils. Le major Marcel a dit, et son fils l'a confirmé, qu'ils avaient réveillé sa femme et son fils à une ou deux heures du matin pour leur montrer les débris, étalés dans la cuisine, super étonné, super choqué par ce qu'ils venaient de voir. Mais il leur a peut-être pas dit qu'il était passé d'abord les montrer à des collègues et des amis. Pendant ce temps, dans la journée du lundi, on a Walt Whitmore Sr., patron de la radio KGFL à Roswell, qui est alerté par son journaliste Frank Joyce, qu'on a parlé tout à l'heure. Il envoie quelqu'un chercher Brazel sur son ranch. Impérativement, il faut qu'il voie ce Mac Brazel et qu'il l'interviewe. C'est obligé. Tout le monde est interloqué. Je rappelle qu'on est dans une période où les flying saucers émergent un petit peu, tout le monde se pose un petit peu la question, on a des événements relativement réguliers dans le ciel américain. Il faut dire que c'est un petit peu la période de la naissance, le début de l'ère atomique, et c'est vrai que le début de l'ère atomique correspond énormément avec le début des observations OVNI en grand nombre, hein, de masse. Donc il envoie quelqu'un chercher Brazel sur son ranch, le journaliste. Il le reçoit chez lui et enregistre son témoignage avec l'intention de le diffuser le lendemain là, hein, à la radio. Il dort chez lui pour la nuit, Mac Brazel, selon le témoignage du propre fils de Wiltmore, hein, témoignage direct. Donc on a un troisième site qu'on n'entend pas beaucoup parler, avec des cadavres près du champ de débris. Le troisième site, situé à 4 km du champ de débris, on a 2 ou 3 cadavres. Alors tout à l'heure j'ai dit 4, on aurait 2 ou 3 cadavres plus un vivant, mais je ne veux pas rentrer sur cette polémique parce que je n'ai pas de preuves ni de témoignages très importants. J'en parlerai un petit peu quand même. Donc très abîmés, qui sont en voie de décomposition et qui sentent très mauvais. Ça, c'est la première chose que tout le monde a remarqué, ces cadavres sentent très mauvais. Donc, il est très probable que le fermier Mac Brazel a montré également à Marcel et Cavit le site proche avec les cadavres abîmés, étant donné qu'il en avait déjà parlé la veille au journaliste Frank Joyce. Donc on se retrouve avec 2 sites cadavres, 1 site débris. Par contre, c'est pas une certitude, mais le docteur Jesse Marcel Jr., donc son propre fils, qui est docteur aujourd'hui, en doute. Lui-même en doute, hein, donc d'un troisième site. Il a dit encore lors d'une dernière interview en juillet 2007, lors d'un dîner à Roswell, donc avec ce fameux Gildas Bourdet, il a dit « Mon père ne m'a jamais parlé d'un troisième site. » Ok. Par contre, il y a d'autres témoins qui sont proches du major Jesse Marcel qui l'ont confirmé. On a le sergent Herschel Grice, membre de l'équipe de Marcel en 47, qui a dit que Jesse Marcel, lui, avait même décrit leur apparence physique, avec des visages blancs d'aspect caoutchouteux. Hein. Donc dans ses propres mots, il avait dit pour ses corps « white rubbery figures », donc « white », blanc et d'aspect caoutchouteux. C'est également sous Marcel Methan, de la famille Marcel, qui avait recueilli cette confidence de Marcel peu avant sa mort. Donc il lui avait décrit ces visages blancs poudreux qui lui avaient vraiment, vraiment choqué, quoi. Je rappelle Jesse Marcel qui était quand même assez haut placé, on va dire, au sein de l'armée puisqu'il était major. Donc pour sa part, Marcel a fait comprendre plusieurs fois aux enquêteurs, hein, jusqu'à maintenant, qu'il n'avait pas tout dit. Il y a une interview avec Linda Corley en 82 à la radio KOAT. Donc un an avant sa mort, il a dit qu'en revanche, c'est le capitaine Sheridan Cavit qui était retourné avant lui à la base, alors qu'il était resté plus tard pour continuer à étudier le champ de débris. Donc, il semble évident que Cavit a alerté le colonel Blanchard dès son retour sur une double découverte extraordinaire, autrement dit un champ de débris et les cadavres sur deux sites. Quand on regarde tout ça, on peut se dire qu'il est fortement probable, fortement plausible, qu'il y a d'autres témoignages sur la base, hein, qu'il est décidé d'aller voir ces cadavres au plus vite et de les rapporter à la base le soir même, malgré le risque sanitaire que ça impliquait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais comment ces gens-là, ces militaires qui sont formés pour le danger et tout ça, s'approchent et touchent des cadavres alors qu'on sait très bien que c'est dangereux hein ?» Lui, il s'en est pas soucié. Le premier souci était sans doute d'imposer le secret sur cette extraordinaire découverte, en fait. Hein. Ce qu'il voulait absolument, c'est cacher cette découverte. Bon, il était trop tard. Hein. Lundi soir, pour prendre le contrôle du champ de débris qui était énorme, 4 km², il était possible de retourner sur le terrain avec une petite équipe guidée par Cavit pour récupérer d'urgence les cadavres, par contre. Il y a plusieurs témoignages qui confirment tout ça, notamment celui recueilli par Carré et Schmitt. On a le sergent Leroy Wallace de la police militaire qui est appelé un soir pour aller à un site de crash aux environs de Corona. Donc, lui était appelé, il ne confirme rien, mais on sait, d'après les historiques et les écrits des ordres de mission, qu'il a été appelé ce soir un soir pour aller sur un site de crash aux environs de Corona, pour aller charger de décors. Ça coïncide un petit peu quand même. Selon sa veuve, lorsqu'il est revenu le lendemain matin, ses vêtements étaient imprégnés d'une odeur épouvantable. D'ailleurs, sa femme les a brûlés, tellement ça puait dans la baraque. C'est aussi suggéré d'ailleurs indirectement par le nouveau témoignage d'Eli Benjamin, qu'on verra plus loin, je vous expliquerai. Donc selon le scénario, les 2 ou 3 cadavres du troisième site, très abîmés, sont transportés à la base, dans des sacs hermétiques et dans un véhicule frigo, que beaucoup ont vu, notamment dans la commune de Roswell. Un véhicule militaire énorme, avec un véhicule frigo énorme, mais en camouflage, avec la peinture verte. Donc des camions frigorifiques énormes en peinture verte, ça peut choquer un petit peu les habitants qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de matériel militaire. Sachant que les gens qui habitent à Roswell ont énormément l'habitude de voir des avions, des engins plus ou moins secrets. Voilà, c'est un vrai défilé militaire. Il ne faut pas oublier qu'on a la base de la Roswell Air Force, hein, à côté avec les bombardiers atomiques B-29. Donc les gens ont l'habitude quand même de voir du matériel. Mais ce matériel-là est un peu spécifique. Donc ils sont déposés à l'hôpital. Les cadavres, hein, les deux ou trois cadavres, je dis deux ou trois parce qu'on n'est encore pas sûr, et font l'objet d'un premier examen le soir même. On a une veuve d'un chirurgien à l'hôpital qui vivait sur la base, qui a appelé le colonel Blanchard pour une affaire urgente vers 23h30. Soit. En fait, il s'était absenté pendant une heure et demie et lui avait jamais rien dit ensuite. Il faut savoir qu'un premier examen a été fait ce soir-là. Il est fortement plausible. On n'a pas de preuves, mais on a des témoignages qui disent qu'il y a eu un premier examen qui a été fait directement à l'entrée à l'hôpital de ces corps, notamment par une certaine infirmière qui veut rester anonyme et qui s'est un petit peu démasquée, qui a parlé un petit peu de tout ça en 2003. Vous verrez plus tard, j'ai finalement son nom. Mais c'est le lendemain matin, mardi 8 juillet, qu'aurait eu la première autopsie, la vraie autopsie, par contre à l'hôpital de la base. Donc la découverte du deuxième site, plus près de Roswell, ovni, cadavre et un survivant. Donc je ne sais pas si vous me suivez, c'est assez complexe. Je viens de parler du troisième site. Premier site, on n'aurait que des débris. Troisième site, on n'a que des cadavres. Et là, on a un deuxième site, plus près de Roswell, ce coup-ci, avec carrément un ovni, des cadavres et un survivant. Vous comprendrez donc que c'est une histoire qui est quand même un petit peu compliquée. Et il faut énormément récolter beaucoup de témoignages parce que les faire concorder, c'est ce qui nous approche de la vérité. Par contre, on a beaucoup de discordance entre l'armée et les témoignages, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'essaie de m'efforcer de faire dans mes travaux, notamment par rapport et à travers les bouquins de M. Gildas Bourdet, mais aussi d'autres sites internet avec des personnes qui montent des blogs et qui habitent à Roswell et qui ont un petit peu parlé de tout ça. Je mettrai des liens tout à l'heure dans la com-room. Donc le lundi matin, une équipe d'archéologues découvre le deuxième site du crash avec l'OVNI. Donc on est plus près de Roswell, à environ 60 km, au nord de Roswell. À peu près 8 km de la route 285 pour être plus précis, pour ceux qui vont voir sur Google Maps. Donc il faut environ 3 quarts d'heure pour y aller par la route depuis Roswell. Hein. Par contre, ce n'est pas exactement le lieu qui avait été indiqué par Frank Kaufman au début des années 90, un témoin qui aujourd'hui est discrédité. Je cite tous les noms. Donc c'est les témoignages nouveaux recueillis par Tom Carey et Donald Schmidt. Il est un juste peu plus au nord. Incidemment, ce site est à seulement 20 à 30 km à vol d'oiseau au sud-est. Alors, là pareil, on se retrouve avec déjà des contradictions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est obligé de parler de tout pour arriver à se faire une idée un petit peu plus précise. Donc on est d'accord là-dessus. Donc Tom Carey, lorsque Gildas Bourdet l'a rencontré à Roswell en juillet 2007, je vous ai dit, ce monsieur Gildas Bourdet a fait une enquête extraordinaire. Il a publié des livres, mais son but n'était pas de vendre des livres. Il a commencé déjà par faire ses propres enquêtes et à les diffuser gratuitement. Puis après, on lui a dit, mais sors des bouquins, parce que franchement, le travail que tu fais, il va tous les ans à Roswell, le mec. Tous les ans, il va interviewer des gens qui, petit à petit, se démasquent, donnent leur nom, sont en fin de vie, ou sur leur lit d'hôpital, ou à la retraite de l'armée, puis là, ils osent parler. Donc, il a pointé le lieu exact sur une carte, à Gildas Bourdet. Et c'est un détail qui reste confidentiel pour protéger le terrain privé de ce monsieur. Parce qu'on a encore des choses qui sont assez taboues dans cette enquête-là, des gens qui sont encore vivants, qui ne veulent pas donner plus d'infos. Mais bon, on a déjà une petite corrélation. Donc on a une équipe d'archéologues qui découvre sur le deuxième terrain, hein, donc sur le deuxième site, un petit engin de forme ovoïde, trois cadavres et, entre parenthèses j'ai mis, sans doute un survivant. Sans doute, on verra pourquoi. L'un d'eux signale leur découverte par téléphone au shérif de Roswell en allant au hameau de Mesa sur la route 285, soit une marche de nuit de 10 km pour y arriver, parce qu'il n'y avait pas de route vraiment fiable. Les militaires arrivent dans l'après-midi sur les lieux avec des pompiers. On a cru longtemps d'ailleurs que c'était des pompiers de la ville de Roswell, mais on a un nouveau témoignage là qui est recueilli par Anthony Bragalia et Kevin Randall. En fait, c'était des pompiers militaires de la base même de Roswell. Très important. c'était pas des pompiers civils. D'accord. Donc selon ce nouveau témoin, lui-même ancien pompier de la ville, ceux-ci s'étaient vus interdire d'y aller par les militaires. Donc, les pompiers n'ont jamais eu accès apparemment. Hein, ils étaient bloqués dès le départ. Ils ont voulu, hein, ils ont voulu donner un coup de main, ils ont entendu qu'il y avait un crash, donc ils pensaient que, ils ont entendu parler de corps, ils pensaient que c'était des corps humains, ils se sont dit on va aller voir et on va donner un coup de main. On est pompiers, c'est notre boulot. En fait, ils se sont vus vraiment interdire l'accès, total. Bon, par contre, il y a Dan Dwyer, l'un de ces pompiers, qui y allait quand même. Et un petit peu têtu, il y était avec sa voiture personnelle, hein, en prenant sans doute un petit peu de vitesse les militaires. Ça explique d'ailleurs le témoignage de sa fille Frankie Rowe, à qui il avait raconté ce qu'il avait vu, engin, cadavre et survivant. Donc là, on a un épisode qui est en fait un des premiers à avoir été révélé de toute l'histoire de Roswell. On croyait à l'époque que le site était dans la plaine de San Agustin, à l'ouest de la vallée de Rio Grande, ce qui était totalement faux. Les principaux témoins sont le docteur Bertrand Schulz, le docteur Curie Holden, qui rédigeait l'équipe archéologique, et la fille du pompier Dan Dwyer. Donc maintenant, on sait vraiment que ce site était plus près de Roswell et qu'il n'avait rien à voir avec la plaine de San Agustin. Alors, on a des nouveaux témoignages assez récents. Retrouvés par Carré et Schmidt, les archéologues en fait n'ont peut-être pas été les seuls civils qui ont découvert l'OVNI hein, et les cadavres. Récemment, on a eu un cas, le père de Sue Farnsworth, qui selon elle, aurait été ensuite menacé. Donc son père. De même, selon George Cisneros, plusieurs voisins l'avaient vu et furent aussi menacés. On a un autre témoignage civil très intéressant, qui est un ingénieur de Boeing, qui s'appelle Richard Loveridge, qui est enquêteur sur les accidents d'avion. Lui, il a révélé à son fils, à la fin de sa vie, qu'il avait été sur le site et qu'il avait tout vu, le deuxième site, hein, l'OVNI, les cadavres et le survivant. Voilà pour le deuxième site. Maintenant, on a, comme je l'ai dit, et c'est un petit peu le but de l'émission, des nouveaux témoins militaires sur le deuxième site avec l'OVNI. Il y a plusieurs témoins militaires importants, en fait, hein, qui permettent vraiment maintenant de préciser le film des événements, comme on n'a pas pu faire jusqu'avant 2007. Donc là, ça vient, ces derniers témoignages de 2007, notamment dans le livre de Tom Carré et Donald Schmidt, dans les émissions de télévision comme celle de CNN, avec le Larry King, que tout le monde connaît, hein, le Larry King Show, Larry King Live, et la chaîne Sci-Fi. On a le sergent Homer Rowlett, qui faisait partie du 103e escadron d'ingénierie de l'air, Air Engineering Squadron. Son fils Larry et sa fille Carlene Green, on a la vidéo sur le site Sci-Fi justement à propos de ces témoignages, ils ont dit qu'ils avaient révélé que leur père avait révélé sur leur lit de mort en mars 88. Il avait fait partie de l'équipe de nettoyage déployée sur le site au nord de Roswell. Il a eu en main une de ces feuilles très controversées, je le redis, à mémoire de forme, que l'armée a fait passer pour du papier d'alu, ou papier d'étain à l'époque. Plus important par contre, hein, il avait vu l'appareil lui, il n'a pas vu que les feuilles. Il a décrit comme étant de forme à peu près circulaire. Il a dit qu'il a vu trois petits êtres avec de larges têtes, et au moins l'un d'eux bougeait encore. Donc on a déduit, au moins l'un d'eux était survivant du crash. Donc on a aussi le soldat de première classe, Roland Menac, qui était un autre MP, donc military police, hein, un policier militaire sur le site qui était chargé de faire la surveillance. Selon ses fils Michael et Roland Junior, ses enfants directs, qui a décrit un appareil en forme d'œuf et sans trace de soudure. Donc juste avant on avait un appareil en forme ovoïde, et là maintenant on a un appareil en forme d'œuf, hein, ça recoupe bien les informations. Sans trace de soudure, d'une seule pièce, c'est ce qui a un petit peu interpellé le soldat de première classe qui était chargé de la surveillance du site. Donc le fils Michael, un des fils Michael, se souvient qu'il avait aussi décrit trois cadavres. Donc le père. Hein. Il leur avait dit qu'il avait chargé l'appareil sur un camion à 18 roues et recouvert d'une bâche. Le lendemain mardi, épisode que nous allons voir un petit peu plus loin. Hein. Donc recouvert d'une bâche, un énorme camion avec 18 roues, vous imaginez, ça passe pas inaperçu. D'ailleurs, on aura des témoins sur ce camion. Il l'avait escorté avec une jeep à travers la ville et jusqu'à la base où l'épave avait été déposée dans un hangar. Le lundi soir et la nuit du lundi 7 au mardi 8, on a les militaires qui sont arrivés assez tard sur le deuxième site, plus proche de Roswell. Il a fallu un certain temps pour qu'un membre de l'équipe d'archéologues aille à pied jusqu'au hameau de Mesa sur la route 285. Il a voulu téléphoner au shérif de Roswell. Il a fallu également du temps pour que les militaires arrivent sur le terrain. Site accidenté, pas de route vraiment propre et nette, enfin c'était un peu le bazar pour y accéder. Hein. Par contre, le site était bien plus petit que celui du Ranch Foster avec son vaste champ de débris. D'ailleurs, ils ont été en mesure de le boucler rapidement, le soir même. Hein. C'était bouclé le soir même. Donc, contrairement au cadavre du Ranch Foster, non gardé, qu'il fallait récupérer au plus vite en dépit des risques sanitaires, celui-ci, il a été bouclé rapidement. Il a pu être décidé de toute façon de garder les cadavres sur le site sans problème, au moins pour la nuit à l'abri d'une tente. Hein, c'est pour ça qu'on a des témoignages sur une tente éclairée la nuit avec des trucs, des deux mouvements de militaires à l'intérieur. Bien gardée par des soldats armés d'ailleurs, cette tente. Hein. Tout autour, il y avait un cordon de sécurité. On a deux témoignages, au moins qui indiquent ça, hein, de soldats qui ont été chargés de garder la tente. Très important. Témoignage récent. Selon des membres de leur famille, le soldat Ed Sain et le caporal Raymond Van Wy furent emmenés sur le site dans une ambulance le soir du 7 juillet pour garder une tente où se trouvaient des cadavres. Pour eux, des cadavres. On ne sait pas. Ces cadavres extraterrestres, eux, ils ne le savent pas. Ils reçurent l'ordre de tirer sur toute personne qui rentrait dans le cordon de sécurité. Vous imaginez, si c'était juste un crash d'avion avec des corps dedans, je pense pas qu'on tirait sur les gens qui essaieraient de voir les corps. Donc imaginez, si même les pompiers avaient été là-bas, ils se faisaient tuer dessus. Par contre, il y avait bien un survivant sur le deuxième site. Hein. S'il y avait un survivant sur le deuxième site, eux, ils l'ont pas vu. Voilà ce que je veux dire. Eux, ils se sont uniquement attachés à garder cette toile de tente et que personne ne rentre dedans. Par contre, il semble probable que ce survivant a été ramené le jour même. Hein. Ça, on peut en douter un petit peu, on peut se supposer un petit peu, parce que on a deux témoins indépendants qui l'auraient vu entrer en marchant à l'hôpital. Donc, un cadavre survivant marchant, rentrant à l'hôpital, accompagné de plusieurs militaires. Ça, on n'a pas plus de précision à prendre avec des pincettes. Bon, il faut dire aussi qu'on a Tom Carré et Donald Schmidt qui ont supposé que cet épisode de l'attente avait eu lieu non pas sur le deuxième site de Roswell, mais sur le troisième site. Je le redis, on a beaucoup de problèmes sur les trois sites. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus précis possible. Par contre, l'option de Carré et de Schmidt, elle est contredite par le fait que ces deux soldats qui sont chargés de sécurité, de garder la sécurité de l'attente, ils ont dit qu'ils avaient vu l'OVNI, qui était sur le deuxième site, plus proche de Roswell. D'accord, qui n'était pas sur l'autre site. Ils ont dit que le trajet n'avait guère duré plus d'une demi-heure sur la route avant de s'enfoncer dans la cambrousse. D'après leurs mots, into the bound docks. Cette durée du trajet correspond bien à l'emplacement du deuxième site. Donc ça coïncide. Dans un message qu'il a adressé à Gildas Bourdet en septembre 2008, par courrier, on a Donald Schmidt qui a donné son accord à ce sujet. Il a tout confirmé. Il a dit... il ne faut pas modifier le scénario, tout ça c'est vrai. C'est vrai, je le confirme et voilà. Gildas Bourdet s'en est servi pour ressortir son édition de son nouveau bouquin en 2009 d'ailleurs. Voilà. Il faut savoir que Gildas Bourdet sort un livre, fait des mises à jour, fait des rééditions, justement parce qu'il veut être situé au plus près de la vérité. Moi ce gars-là m'inspire, c'est pour ça que je m'inspire énormément de ses travaux pour faire mes propres recherches sur Roswell. On va donner par contre quelques précisions sur les témoins importants, hein, parce que on a Carré Schmidt en 47, on a le soldat Ed Sain qui faisait partie du 390e Air Service Squadron. Si tu s'arrêtes, s'il te plaît, il y a des auditeurs qui s'appellent ASS, qui est lui-même rattaché au 509e groupe de bombardement, l'unique groupe de bombardiers atomiques de l'époque, que je vous ai dit tout à l'heure, qui est basé à Roswell. Donc l'escadron là, qui est dirigé par le major Richard Darden, était chargé spécialement de garder les bombardiers B-29 du 509e groupe. C'était une mission de confiance, et les soldats de la SS, hein, donc Air Service Squadron, avaient une habilitation au niveau top secret, plus élevée que celle de la police militaire de la 139e compagnie, qui était dirigée par le major Edwin Isley. C'est à elle qu'appartenait l'autre témoin. C'est à celle-ci qu'appartenait l'autre témoin, pardon. Le caporal Raymond Van Wy, que j'ai parlé tout à l'heure. Quand Ed Sain a été interviewé par Carré Schmidt, les deux commandants Darden et Isley étaient déjà sur le deuxième site de la plus haute importance lorsqu'ils sont arrivés. Pourquoi la plus haute importance? Parce que c'est sur le deuxième site, on s'accorde à dire qu'il y aurait eu cadavres, ovnis et débris. Les deux soldats reçurent des provisions pour garder la tente la nuit. Donc munitions, café, clopes, bouffe, enfin voilà, ils devaient rester debout toute la nuit pour garder cette tente, avec ordre de tirer sur toute personne qui essaie d'y entrer. Je vous rassure, personne ne s'est montré sur le site. Hein. Il n'y a pas eu de mort, ils ont tiré sur personne. Bon, par contre, ils ont été relevés avant la fin de la nuit et ramenés à la base. On a les journalistes Carré et Schmidt qui ont pu aussi s'entretenir avec le fils de Ed Sein, donc, l'un des militaires, qui s'appelle Steven, qui lui a précisé que son père avait mis 30 ans pour se décider à en parler, à lui et à son petit frère. Il leur dit qu'il avait prêté serment de secret et qu'il craignait pour sa vie et sa famille et ses enfants s'il disait quoi que ce soit. Il fallait savoir que le niveau top secret, si vous dérogez à ce niveau par un engagement écrit vis-à-vis de l'armée, c'est la cour martiale, quoi. Donc ces gens-là ne parlent qu'en fin de vie ou en retraite, c'est tout à fait normal, il faut les comprendre. Beaucoup de gens disent « Ouais, mais ces gars-là, ils parlent 40 ans après, c'est trop facile, machin, machin. » Attendez. Un petit peu d'altruisme, mettez-vous à la place d'un militaire qui voit ça, vous êtes militaire, vous recevez une paye de militaire, vous avez une habilitation top secret parce que vous êtes plus ou moins bien placé en tant que policier militaire ou cadre, on vous dit de rien dire sinon on s'en prend à votre famille, vous faites quoi le lendemain, vous allez voir les journalistes? Non, on ferme sa gueule, on est d'accord. Donc il voulait garder ce gars, Ed Sein, franchement, il voulait jamais en parler. Hein. Avant ces 30 ans-là, il regardait même pas les émissions de Roswell, ni même lire un livre, il voulait rien savoir de tout ça. C'est que récemment, en fait, qu'il a commencé à en parler. Il a évoqué l'appareil, d'ailleurs, qui était la chose la plus étrange qu'il avait jamais vue de sa vie, ce sont ses propres dires. Hein, d'ailleurs, ce mot, c'est « fucking weird thing hein, », donc putain de drôle de chose, quoi. On a Raymond Van Wyk qui est décédé en 2001 à l'âge de 76 ans. Selon sa veuve Léola, il était très peu bavard sur les 9 années et demie qu'il avait passé dans l'armée. Il avait notamment gardé le B-29 Enola Gay. Alors si vous vous rappelez un petit peu, le B-29, où était écrit dessus Enola Gay, c'était le bombardier qui a amené Little Boy, la bombe d'Hiroshima. Ce fameux bombardier qui a bombardé Hiroshima. Ce mec-là, lorsqu'il a quitté l'armée, il a jeté tous ses papiers militaires. Selon sa veuve, hein, sa femme, il a parlé pour la dernière fois en 1954, en lisant un article de magazine sur un crash supposé d'OVNI. La première chose qu'il a fait quand il a vu ce magazine, il a dit « Hé, j'ai vu ça. J'ai vu ça. » Il lui a raconté qu'il avait dû garder un site dans le désert, à Roswell, là où un engin spatial s'était écrasé. Elle dit d'ailleurs, sa femme, hein, ça va. Mon mari m'a dit que c'était bien un ovni hein, qui s'était écrasé, que c'était un disque rond. Il n'y avait pas de soudure, c'était pas une fabrication terrestre. Il l'a dit. Elle lui avait demandé, mais comment tu sais ça? Mais parce que j'étais là et que j'ai tout vu, il lui a dit. Un autre témoignage direct. Ce monsieur est mort, par contre sa femme se porte caution, ce qui est pas rien. Le mardi 8 juillet, on a eu pas mal d'événements aussi. Le mardi 8 juillet, on a eu un briefing du colonel Blanchard et le communiqué de presse, le fameux communiqué de presse que tout le monde connaît. Hein. Là, Royal Air Force a capturé un flying saucer. Et ben, on va venir un petit peu et on va détailler un peu ça. Parce que le temps se fait là et je vais essayer de concentrer ça en 10 minutes pour qu'on puisse après faire un petit débat si vous voulez, mais je pense que je vais y arriver. Donc le briefing du colonel Blanchard et le communiqué de presse, ben, avant de venir à cet épisode important, hein, et celui aussi du transport de la base de Roswell et tout ce qui a été découvert, ovnis, cadavres, débris, etc. sur les trois sites, pour lesquels, je rappelle, des nouveaux témoins sont apparus également assez récemment. Bon, il faut placer les choses dans leur contexte et surtout chronologiquement. Le briefing du colonel Blanchard, très tôt le mardi matin, moment crucial d'ailleurs, où toute la suite des opérations va être décidée, certainement en liaison avec le Pentagone. Hein. Cet épisode, que tout le monde croyait bien connaître, a été fortement secoué par le témoignage posthume de Walter Haut, selon lequel le général Ramé et son adjoint, le colonel Dubose, étaient venus de Fort Worth pour y participer. D'accord ? Le commandant Jesse Marcel, le capitaine Cavitt, informe le colonel Blanchard dès 6 heures du matin de ce qu'ils ont trouvé sur le ranch Foster. Et sans doute dès la veille au soir pour Cavitt, puisque je rappelle, il avait été le soir même pour sa propre gouverne. Blanchard convoque son briefing hebdomadaire plutôt que d'habitude, à 7h30, au lieu de 6h. Il y fait le point sur la situation, les différents sites, les plusieurs responsables de la base, etc. Donc des débriefs sont rapportés par Marcel et Cavite, qui participent eux aussi à la réunion. Les débriefs sont examinés. C'est la photo qu'on a d'ailleurs sur le journal local. Je ne sais pas si tout le monde a cette image en tête, hein, où on voit Jesse Marcel et James Cavite en train de manipuler des baguettes de bazar et un espèce de papier là. Donc le lieutenant Walter Haute y assiste en tant que responsable de la communication. Dès la publication de l'affaire de Walter Haute dans le livre de Carré et Schmitt, on a un point qui a été débattu, parce que ces journalistes-là ont vraiment débunké toute l'affaire. La présence du général Ramé et du colonel Dubose à ce briefing, est-ce qu'ils sont venus la veille au soir de la base de Fort Worth, qui est située à 600 km à 1h30 de vol en avion, hein? C'est possible. Étant donné que toute la hiérarchie était en alerte, on peut se dire que c'est faisable. Par contre, il faut rappeler que les signes d'agitation dans les hautes sphères militaires et politiques à Washington étaient bien là. Hein. Tout le monde était en état d'alerte. Hein. Si c'est bien le cas, Ramé et Dubose ont dû repartir dans la matinée de mardi pour Fort Worth, où ils ont joué la mise en scène du ballon météo pour la presse, en fin d'après-midi. Le communiqué de presse que on va discuter maintenant. Ce communiqué de presse, c'est là où tout est un petit peu tendancier, parce qu'on a un démenti officiel très peu de temps après. Dans la matinée, le colonel Blanchard dicte au lieutenant Walter Haute le célèbre communiqué de presse annonçant, si tu t'assois, tu bouges, la découverte d'un disque volant, Flying Saucer. Walter Haute le diffuse vers midi aux deux journaux et aux deux radios de Roswell. Donc là, on a un militaire conscient qui vient de découvrir des disques volants et qui annonce officiellement qu'on vient de découvrir des soucoupes volantes. Démarche tout à fait spontanée de l'armée. L'annonce, donc, elle est aussitôt diffusée à la radio, déclenche une tempête médiatique, mais de portée internationale, vous pouvez vous en douter. Il n'y avait pas Internet en ce temps-là, mais bon, tout ce qui passe à la radio est repris par la radio locale est repris par les radios nationales, et puis après, bah, ça passe partout. Hein. Par contre, pourquoi le colonel Blanchard, qui est officier d'élite, promis à une brillante carrière d'ailleurs, hein, il deviendra général 4 étoiles, il a ordonné de publier ce communiqué étonnant. Pourquoi Blanchard a voulu parler de soucoupe volante? Un truc ultra top secret, quoi. Il faut savoir que Gildas Bourdet a vu ce Walter Haute qu'il a rencontré en 95, avant sa mort. Il l'a pas décidé tout seul, ce communiqué de presse. Il a donc fait partie d'un plan d'action décidé au plus haut sommet, hein, à Washington et au Pentagone. Donc l'explication qui semble la plus plausible, en fait, c'est que cela a été décidé dans la matinée pour parer au risque de ne pouvoir garder totalement le secret. Alors qu'il y avait trois sites sur le terrain, dont le deuxième était sous contrôle à ce moment-là, il fallait quand même éviter de faire un peu trop de pub pour les deux autres sites. Donc ça a été une manœuvre un petit peu, on va dire, psychologique. Les militaires donc se rendent compte que la nouvelle du crash commence à se répandre dans la région. On dissuade la diffusion de l'interview de Brazel à la radio KGFL. Alors qu'ils viennent d'annoncer qu'ils découvrent des soucoupes volantes, Brazel se fait interdire de radio. On bloque l'annonce du journaliste John McBoyle à la radio KAOT d'Albuquerque, selon le témoignage de Lydia Sleepy, témoignage direct. Mais il y a un dérapage médiatique qui reste possible. C'est le communiqué qui permettra de faire bonne figure, en fait. L'essentiel, en fait, dans cette affaire, c'est de cacher la découverte principale, je l'ai dit. Celle de l'OVNI sur le deuxième site avec les corps et tout. Si les militaires arrivent à boucler les trois sites et à tout bien contrôler sur le terrain, ils pourront revenir en arrière, démentir le communiqué. En fait, on voit bien que tout ça, c'est une démarche psychologique. Très très très doux. Ils sont doués, parce qu'ils vont annoncer un événement pour en cacher deux autres et après démentir les trois. Donc démentir le principal. C'est exactement ce qui a été fait le soir même à Fort Worth, hein, dans le bureau du général Ramé, à Roswell, aux radios et aux journaux. On a le bouclage. Pardon, excusez-moi les auditeurs. Bouclage et nettoyage du champ de débris. Je vais préciser un petit peu vite fait avant d'ordonner l'antenne. On a dès le début de matinée un petit problème par rapport à ça. On a le colonel Blanchard. Merci pour prendre mon temps, c'est cool. Je remercie Radioactif. Dès le début de la matinée, le colonel Blanchard envoie une équipe de 60 hommes pour boucler et nettoyer le vaste champ de débris au ranch Foster. Bouge. je suis de retour. Donc 60 personnes, imaginez 60 militaires qui arrivent sur le terrain. Le mardi matin, le directeur de la radio KGFL, Walt Whitmore, a amené à la base le fermier Brazel qui avait passé la nuit chez lui, rappelez-vous. C'est sans doute Mac Brazel, ce fermier, qui avait pris en main, qui va conduire les militaires pour aller sur le ranch et prendre le contrôle des lieux. C'est, en fait, il a été capturé par les militaires, on va lui demander plein d'informations, c'est où, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez ramassé, qu'est-ce que vous avez pris, vous n'avez pas le droit, etc. Il va être briefé totalement. Selon même certaines personnes, hein, il aurait été emmené dans un avion d'observation pour les guider plus rapidement. Vous imaginez, ça peut être faisable, bon, voilà, ça... On va dire que c'est un petit post-scriptum. Le commandant Edwin Isley, le chef de la police militaire. Commandant Richard Darden, commandant adjoint de la base et chef de l'unité d'élite pour la garde des bombardiers atomiques. Dirige les opérations sur les trois sites. Des polices militaires, donc des MP, de la 139e compagnie dirigée par Isley, sont postés tout le long de la route 285 au nord de Roswell, jusqu'au hameau de Ramon. Plusieurs témoins indépendants ont remarqué un cordon de sécurité énorme, d'accord, sur plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres. On a un certain William Woody et son père qui parlent justement d'avoir vu ce cordon de sécurité qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Et je rappelle qu'on est dans une région où se situe la base de bombardiers atomiques, la première et la seule au monde. On a des témoins civils aussi qui ont observé de loin le bouclage du champ de débris. On a un certain Trinidad Chavez, rien à voir avec Hugo, mais qui est le fils d'un employé du ranch Richards, au sud du ranch Foster, que j'ai parlé tout à l'heure, qui a observé le travail des soldats sur le champ de débris avec ses camarades, à distance, depuis une colline avec des jumelles. Il était trop tard pour s'approcher et ramasser des débris, mais il a appris ensuite que son père en avait déjà ramassé. Le jeune Charlie Schmidt, qui habitait au nord de la ville, un autre, a eu vent de l'événement. Il a enfourché sa bécane, sa moto, il a réussi à s'approcher du champ de débris. L'unique ce qu'il voulait, c'était ramasser quelque chose, en fait. Il a juste eu le temps de regarder quelques pièces métalliques avec des inscriptions étranges. D'où, après le témoignage avec les pièces métalliques. Avec des inscriptions. Mais en attendant, on a les véhicules militaires qui arrivaient, franchement, il fallait s'éclipser, là. Donc là, tout le monde se barre. Les gens ont bien compris qu'ils sont tombés sur une affaire plus que top secrète, quoi, qui n'avait rien à voir avec un crash de ballon météo. Là, on va en venir au plus important et au démenti officiel et au retournement complet de la situation. C'est ce qui me fait bien rire. On va arriver à tout ce qui va favoriser la version officielle qui est toujours, je le rappelle, aujourd'hui d'actualité. Dès mardi matin... Donc il y a la radio KGFL qui est fortement empêchée de diffuser l'interview de Mac Brazel, qui a eu la veille, je le rappelle. Il y a deux coups de téléphone à la radio, depuis Washington, depuis la Maison Blanche, carrément. En fait, tout est dirigé d'en haut, clairement. En fait, c'est le co-directeur de la station à l'époque, George Jude Roberts, qui l'affirme. Il a été appelé par le bureau du sénateur du Nouveau-Mexique, qui s'appelait Dennis Chavez, et par T.G. Slowey, secrétaire exécutif de la Federal Communication Commission, okay, FCC. Je suis peut-être chiant avec mes noms, mais vous pourrez faire vos propres recherches, on irait réécouter le podcast. J'essaie d'être le plus précis possible. Tout ça, c'est des témoignages qui n'apparaissent pas beaucoup dans les histoires officielles. Donc celui-ci qui a fait comprendre que s'il diffusait l'enregistrement de Mac Brazel, sa radio risquait de perdre sa licence dans les 3 jours qui suivent. Donc John McBoyle, le directeur de la station de radio de Roswell, KSWS, une autre radio, il appelle Lydia Sleepy à Albuquerque. Elle est le premier témoin dont a eu connaissance Stanton Friedman dans les années 70. Stanton Friedman, je vous le rappelle, qui est un physicien nucléaire très connu aux États-Unis, qui est devenu ufologue par passion. Et donc elle appelle ce Stanton Friedman, et il a participé d'ailleurs, Stanton Friedman, à beaucoup de projets nucléaires, et il a participé à beaucoup d'essais nucléaires de tout type, notamment quand on est passé des essais nucléaires de type fission à type fusion. Parce qu'il y a deux types de bombes nucléaires, il y a les bombes à fusion et les bombes à fusion. Je ne vais pas m'attarder sur le truc, mais bon, voilà. Donc Stanton Friedman, on le connaît bien. Donc, elle l'appelle, l'entretien tourne court, il lui dit d'oublier cet appel. La transmission à Los Angeles est arrêtée par un téléx du FBI sur sa machine télétype. J'ai d'ailleurs un document déclassifié par la FOIA qui atteste de ce téléx que j'ai en PDF, et il faudrait que je le mette en ligne, parce que je ne sais pas comment transférer un document en PDF sur la Comroom, il faudra qu'on m'apprenne ça. Dès le mardi midi, l'armée a complètement bouclé les trois sites, elles pensent contrôler la situation. Elles se disent, c'est bon, maintenant, voilà. On a des cordons de sécurité de police militaire partout. Voilà, c'est bon, il ne peut plus rien arriver, on est tranquille. Donc en fait, ce qu'elle va faire, là, maintenant, hein, c'est sa démarche psychologique de démenti. Il faut mettre le lien du PDF. Ok, pas de souci. Elle peut alors commencer à faire marche arrière par rapport au communiqué de presse du matin, et c'est là qu'on va avoir ce fameux démenti officiel qui a fait rire tout le monde. Donc sur le bouclage du site des débris, rappelons que l'un des plus anciens témoins retrouvés par les enquêteurs, on a Bud Payne. Je vais parler d'un autre témoin, qui est éleveur dans les environs, qui voulait pénétrer sur le ranch de McBrazel à la recherche d'une bête égarée. Lui, il n'était pas du tout sur le problème OVNI, crash, machin. Il avait une bête qui était égarée. Il a été arrêté par un garde armé. Il est arrivé par l'ouest, ce qui veut dire que le ranch était déjà bouclé dans sa totalité. Pff, franchement, que de précautions pour quel kilo de ballon météo quand même. Hein. Vous serez d'accord avec moi, on est vraiment dans du... On est dans du fantastique, là. En début d'après-midi, on a eu quelques tentatives qui sont faites par l'émetteur de Roswell pour arrêter la diffusion du communiqué de presse, qui avait été annoncé la veille par les militaires en eux-mêmes. On va encore récupérer des copies, d'ailleurs, le 9 juillet. Parce qu'en fait, l'armée va essayer de récupérer le maximum de copies de ce communiqué. Hein. Il ne faut plus laisser de traces. Hein. On est dans un déni total, déjà, le lendemain. Puisque tout est bouclé, tout est maîtrisé, maintenant, ce qu'on veut, c'est annuler l'affaire. Donc on va récupérer les copies de ce communiqué de presse à Roswell, Albuquerque, Santa Fe, les patelins alentours. L'armée va s'en charger, la CIA aussi. Cependant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dès que le mardi matin, la rumeur de la découverte s'est déjà répandue partout hein, à Roswell. Hein, puisque c'est parti à la radio et c'est parti sur toutes les radios locales, sur deux radios locales. Et les radios locales, on le sait, comme nous on fait sur Tactical FM, on diffuse, sur Radioactif, j'imagine pareil, on diffuse. Donc le communiqué de midi est publié par le Roswell Daily Record, dans l'après-midi, hein, en journal. Ainsi que deux journaux du centre et de l'ouest des États-Unis. Ça commence à partir dans tous les côtés. Exemple, le San Francisco Chronicle. Vous pouvez vérifier, dans les historiques, c'est affiché. Les journaux de la côte est publieront directement le démenti le soir même, le lendemain du 9 juillet. Rappelons également, Rappelons également ici cette mise en scène à Fort Worth, avant de présenter les nouveaux témoignages très importants sur le démenti officiel. Alors ce que je voulais expliquer ici, c'est que la manœuvre de l'armée américaine a surtout... tout le monde se pose la question, ok, ils ont avoué, le lendemain, ils dénoncent tout. Pourquoi ? À la limite, ils auraient pu faire directement, bah, y a rien eu, n'y allez pas. Vous connaissez un petit peu la loi sur l'interdiction. Quand on est gamin, on nous dit, fais pas ci, fais pas ça, la première chose qu'on pense à faire, c'est y aller et le faire. Donc leur manœuvre, elle a été très très très psychologique. C'est, il y a eu un crash, ok. Il y a eu un crash de soucoupe volante. C'est carrément les officiels de l'armée américaine qui l'affichent sans problème. Ils s'occupent de tout boucler. Ils découvrent trois sites. Ils s'occupent de tout boucler. Et le lendemain, le déni. Non, non, en fait, il n'y a rien. Là, maintenant, les gens, ils peuvent se pointer puisqu'on a des cordons de sécurité de je ne sais pas combien de kilomètres de long avec l'autorisation go to kill. Hein. Donc, la première personne qui se pointe en tant que civil, qui n'est pas autorisée, c'est go to kill. Hein. Vous faites tirer dessus. Donc effectivement, ils n'ont pas eu de mal à faire le démenti le lendemain, puisque je le rappelle, on se retrouve avec plus de 60 militaires rien que sur le deuxième site, d'après les témoignages directs. Vous imaginez les cordons de sécurité qui ont été faits sur le premier et le troisième site, et sur l'ensemble de la totalité du territoire. Voilà un petit peu les derniers témoignages que je voulais... vous faire découvrir, ça fait pas mal de noms, je sais bien, ça fait un petit peu peur, mais par contre, il faut savoir que tous ces gens-là qui osent, je dirais, se mettre à visage découvert, à donner leur nom et leur prénom, ces gens-là n'ont rien à gagner, hein, ils ne vendent pas de bouquins, ces gens-là. Et moi, j'admire un petit peu le courage de ces personnes, et je voulais insister sur un point, c'est que les gens disent beaucoup, voilà, c'est 40 ans après, c'est facile de dire des pseudo-vérités 40 ans après. Mais je rappelle que des militaires qui sont tenus sous le secret professionnel, et surtout le top secret, risqué à cette époque leur propre vie et la vie de leur famille. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on a de plus en plus de déclassifications et de gens qui parlent maintenant. Une dernière petite chronique sur le transport des cadavres à la base. Ça, je voulais en parler vite fait avant de redonner l'antenne. Il y a un nouveau témoignage important, en fait. C'est celui du soldat Elias, Eli Benjamin, que j'ai parlé tout à l'heure, qui, selon les journalistes Tom Carey et Donald Schmidt, s'est décidé à parler en 2005. Jusque-là, il n'osait pas, hein, de peur de perdre sa pension de retraite, en fait. Hein. Voilà, c'est aussi ça, hein, le problème. On est aussi dans un problème de crise financière, et c'est pas d'aujourd'hui. En 2005, ça commençait déjà. Les militaires, si on leur dit « on vous enlève votre retraite », je pense que vous n'avez pas trop envie de parler, c'est pareil. Bon, finalement, il a parlé quand même publiquement pour la première fois parce qu'il avait des remords à l'âge de 81 ans. À la veille de ses 81 ans, d'ailleurs. Donc, lors de l'émission de la chaîne câblée Sci-Fi, qui a été diffusée en novembre 2006 aux États-Unis. On l'a connu en France en 2008, je crois. Il y a eu une espèce d'interview dans le hangar P3 de la RA, l'ancienne base de Roswell. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette interview. Je ferai un article un petit peu plus tard avec cette vidéo, parce qu'il faut la voir, c'est rigolo. Donc, un matin de juillet, on a Eli Benjamin qui vient de terminer une garde de nuit, hein, pour revenir un petit peu sur ce témoignage de transport des cadavres. Après, j'ai terminé. Il remarque une activité importante et inhabituelle autour du quartier général de la base. C'est sans doute la fameuse réunion que j'ai parlé du mardi matin, tout à l'heure, hein, le briefing du mardi matin. Dans l'après-midi, il reçoit l'ordre d'aller au hangar P3. Lorsqu'il arrive au hangar, il découvre que l'officier qui lui avait dit de prendre le poste est en proie à une grande agitation. Il est très excité, l'officier, il est tout bizarre. En fait, il est contraint au silence par la police militaire, quoi. Il a craqué en voyant les cadavres dans le hangar, le gars. Il a pété un câble. Il a vu ces cadavres. Il a pété un câble. Il était choqué. Je me mets à sa place. Je vois des petits gris ou je sais pas quoi. Je crois que... Je sais pas si je reste debout et je vais en parler à la police. Je crois que je vais partout en courant et je crie. Je sais pas ce que je fais. Mais bon, il y a de la torpeur, quoi. Donc ceux-ci sont disposés sur des lits à roulettes, 3 ou 4, ils croient se rappeler, et recouverts de draps. Donc Benjamin est alors chargé par un autre officier arrivé sur les lieux d'escorter le transport de ses corps à l'hôpital de la base dans une ambulance. Ça, c'est un témoignage récent, quoi, je rappelle. Hein. Selon Benjamin, l'un d'eux semble se mouvoir, il semble bouger en fait, parce qu'il y a le drap qui bouge, qui glisse, et il a aperçu un visage grisâtre, une large tête sans cheveux, qui avait rien d'humain en fait. Hein. Et devant sur ce reportage, à propos de ce dernier témoignage, devant la caméra de Sci-Fi Channel, Benjamin, il imite le mouvement de la tête, se penchant sur le côté, comme s'il était mourant. Donc de ce cadavre qui bouge un peu du drap blanc, là, et puis qui tombe un peu sur le côté. Et qui est mourant, mais qui est vivant. Lorsque Benjamin arrive à l'hôpital, plusieurs médecins et des officiers, ils sont là à attendre les corps, il enlève les draps et permet à Benjamin de les apercevoir furtivement. Voilà pourquoi Benjamin, aujourd'hui, confirme bien qu'il a vu des cadavres. Il les a vus à deux reprises, dans le hangar et à l'hôpital. On est d'accord. Donc il remarque que les médecins sont fascinés, ils sont immobiles autour des cadavres, ils sont là. Les médecins sont tout blancs, quoi. Ils s'en reviennent pas. Puis alors pour eux, c'est une opportunité d'étude incroyable, quoi. Hein. Mais ça sera pas pour eux. D'ailleurs, de mémoire, Benjamin fait la description d'un petit corps avec une grosse tête en forme d'œuf, des yeux allongés, une bouche mince comme une fente et deux trous à la place du nez. C'est typique, le short grey que tout le monde connaît, que les gens qui se disent potentiellement victimes d'abduction font comme description, hein, en fait. Hein. Donc voilà, ça c'était un des derniers témoignages. On a aussi, et là je termine, en 2 minutes, à l'hôpital, Myriam Andrea Bush, rien à voir avec Mr. Bush, qui est âgée de 27 ans, était la secrétaire de l'administrateur de l'hôpital. Est âgée de 27 ans. Le lieutenant-colonel Harold Warren, administrateur de l'hôpital. Selon son frère George et sa sœur Jan, elle est revenue un soir en état de choc. Elle avait fini par dire qu'il y avait à l'hôpital du personnel médical qu'elle ne connaissait pas, qu'elle avait jamais vu, qui était jamais là d'habitude. Warren l'avait emmené, donc, l'administrateur de l'hôpital, hein, l'avait emmené dans une pièce d'examen où elle avait vu plusieurs corps, petits comme des enfants. Et elle dit, l'un d'eux bougeait, il était vivant. Ce sont ses propres mots. Leur peau était grisâtre, ou tirant vers le brun pour certains. Ils avaient une grande tête, de grands yeux, une petite bouche, une petite fente en guise de bouche. Je ne voyais pas d'oreilles, ce n'étaient pas des êtres humains. Le lendemain, elle a déclaré que personne ne devait plus rien dire sur cette histoire. Elle voulait plus en parler, Et on a la famille qui a eu l'impression qu'elle avait été sévèrement menacée, en fait. Hein. Selon eux, l'événement l'avait tellement perturbée qu'il a gâché sa vie. Cette femme-là, elle est morte en 89, dans des circonstances suspectes, avec des traces de coups sur le bras. On a vite conclu au suicide. Hein. Elle s'est suicidée avec un sac plastique noué autour de la tête, en fait. Et sa belle-sœur, qui s'appelle Pat Bush, elle a témoigné publiquement. La vidéo, d'ailleurs, a été publiée sur le site Sci-Fi. Elle ne croit pas du tout au suicide. Elle est convaincue que Myriam avait été menacée. Et je rends l'antenne parce que c'est tout ce que j'ai apporté comme nouveauté sur Roswell. Allô, allô ? Eh bien, voilà, donc c'était Ludo. Je ne sais pas si on m'entend, oui, je crois pas. Oui, je t'entends. D'accord. Je t'entends bien. Donc, on va faire une petite pause musicale. Thank you. Nous sommes désolés d'interrompre la programmation normale pour ce bulletin spécial. Allons tout de suite rejoindre notre correspondant à quelque part sur la planète. Oui, bonjour, ici on est en état d'alerte. Je répète, nous sommes en état d'alerte. Le www.tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre. Nous avons absolument besoin de sympathisants comme nous. Nous avons absolument besoin de gens qui désirent s'impliquer afin de faire promouvoir la communauté et de faire l'évoluer. Je répète, tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre et de gens qui désirent s'impliquer. N'oubliez pas que cette communauté de podcasteurs radiophoniques est la seule qui ose dénoncer et qui ose critiquer les masses médias normaux. Si vous pensez pouvoir aider de quelque façon que ce soit, tacticalfm.com, envoyez tout de suite un courriel à info@tacticalfm.com, info@tacticalfm.com. Je répète, ceci n'est pas une simulation, ceci n'est pas une simulation. Le www.tacticalfm.com a besoin de vous. De retour au studio. Merci. De retour à la programmation normale. Eh bien, nous voilà de retour sur Radioactif. Nous ouvrons donc le débat pour la mission Roswell. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Skype en tapant sur radio.actif. Voilà, donc nous rejoignons Ludo. Et je suis là. Aussi. Il y a aussi Globile, il me semble. Ouais, salut. Et il doit y avoir Jans qui doit être dans les parages aussi. Ouais, ça sonne, il va arriver, je pense. D'accord. Bien, je vous laisse débattre un petit peu. Je pense que Globile, tu avais pas mal de petites questions à poser à Ludo. Donc, vas-y, on t'écoute. Bah là, c'était en ce moment même, là, on en parlait, là, puis après, bon, on a été coupé. Oui, Ludo, bon, tu dis qu'on est en train de nous préparer, d'après toi, on serait en train de nous préparer à ce qu'il y ait une autre vie que nous ? Il y aurait quelque chose d'autre ? Ça, moi, j'ai du mal à le croire quand même. J'ai du mal à croire qu'on ait déjà découvert quelque chose, tu vois, une vie extraterrestre. Pour moi, c'est un peu trop gros, parce que si c'était le cas, ça déteindrait beaucoup plus. Dans notre vie de tous les jours. Alors peut-être que tu vas me démolir en entendant ça, mais tu vois, j'ai encore du mal avec ça. Ok, je respecte les opinions de tout le monde. Je veux juste réaffirmer une chose, c'est qu'on a 614 témoignages aujourd'hui concernant l'affaire de Roswell, témoignages directs et indirects. Bien sûr, la théorie officielle et gouvernementale nie tout en bloc, tout comme pour le 11 septembre d'ailleurs. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, oui. Mais le 11 septembre, je suis convaincu qu'il y a des zones d'ombre, alors pourquoi pas là-dessus ? Moi, le 11 septembre, ça a vraiment été un clash pour moi, hein, quand j'ai découvert ça, comme beaucoup de gens, je pense. C'est ce qui nous a réveillé, je pense, une majorité de personnes. C'est le 11 septembre. C'est très bien, c'est aussi ce qui m'a éveillé. J'étais pas endormi, moi. Non, c'est ce qui m'a éveillé en 2002, justement, sur tout ça. Par contre, l'ufologie, j'ai jamais assisté à un phénomène extraordinaire et pourtant, je suis convaincu par certains événements. Comme j'ai dit, j'aime pas le mot croyance, mais par contre, voilà, Roswell, 614 témoignages à ce jour. J'ai encore reçu un email tout à l'heure, c'est incroyable la synchronicité. J'ai reçu un email d'une américaine qui se dit la petite fille du colonel McCavitt. Je l'ai pas encore lu en entier, mais apparemment elle me parle de quelque chose. Okay. Je vous en ferai part peut-être une autre fois, mais ou certainement vendredi prochain lors des rapports du caporal John, parce que ça a l'air important malgré tout. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je conçois tout à fait que des personnes ne croient pas à l'hypothèse extraterrestre. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les scientifiques de la NASA aujourd'hui sont d'accord pour dire oui, on n'est pas, il y a de la vie ailleurs, de la vie sous forme de bactéries ou d'extraterrestres. Ils n'en parlent pas. Hein. Mais ils sont convaincus qu'il y a de la vie ailleurs, ça c'est un élément établi. On a des gens comme des Mikio Kaku, des Stephen Hawking, qui eux parlent de plus en plus d'êtres intelligents pouvant nous visiter sans problème, parce qu'on avance technologiquement. Et pour revenir justement à la technologie, tu as dit s'il y avait une présence extranéenne sur notre planète... Voilà, ça déteindrait sur nous, on le sentirait. Ok, et eh ben il faut savoir qu'à partir après 47, il s'est passé quoi ? En 49, on a découvert la fibre optique. En 53, on a découvert le laser. En 57, on a découvert le microprocesseur. En fait, ce qui a suivi Roswell, après, ça a été petit à petit, ça a été que des découvertes. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a eu la diode électroluminescente, la LED, ou la DEL en américain. Il faut savoir que la LED, on sait la fabriquer, mais on ne sait pas comment ça marche. Voilà, c'est officiel, ça. C'est quelque chose que je ne savais pas du tout. C'est quelque chose que je savais pas du tout. C'est pas que je crois pas du tout ce que tu dis. C'est pas ça du tout. C'est que j'ai parfois on a du mal à comprendre pour moi ça se saurait, ça se verrait vraiment dans ma vie tous les jours, mais pas comme ça. Pour moi, il y aurait pourquoi alors est-ce qu'on n'entre pas en contact avec eux? Pourquoi est-ce qu'on peut pas entrer en contact avec ces gens-là ou ces choses-là directement? Et qu'est-ce qu'elles veulent faire? Qu'est-ce qu'elles comptent faire? Contre nous? Sont-elles contre l'humanité? Sont-elles pour l'humanité? moi, je pars d'un principe très très basique. Hein. Sur Terre, il y a des bons, il y a des mauvais. Dans l'univers, il y a certainement d'autres vies, j'en suis convaincu. Qu'ils soient contre nous ou pour nous, j'en ai aucune idée. Par contre, je peux affirmer une chose par mes propres petits travaux, c'est que s'ils ont une technologie bien plus avancée que nous pour effectivement venir nous voir, on a quand même en France un organisme qui s'appelle le GIPAN, qui est le groupement d'études sur les phénomènes aériens non identifiés, qui fait partie du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui est basé à Toulouse. On a des organismes comme ça en Russie, on en a en Italie, on en a en Angleterre. D'ailleurs, en Angleterre, on a l'ancien Mulder, patron des X-Files, des services anglais, qui s'appelle... j'ai oublié son nom, alors que je... Oh là là. C'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure. C'est souvent comme ça quand je suis à la radio, j'oublie les noms, mais j'en ai beaucoup en tête. C'est pour ça. On a beaucoup de services qui s'occupent de ça. Des services qui vont dire oui, mais attendez, hein, on a que 5% des cas ou 10% des cas qui sont vraiment exceptionnels. Mais 10% des cas exceptionnels, ça veut dire qu'il y a des cas exceptionnels. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de 50 000 cas, un seul me suffirait. Par contre, la question qui se pose souvent, c'est pourquoi ils viennent pas, ils se posent pas sur le parking de la Maison Blanche. Effectivement. Oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Indiens d'Amazonie? Qu'est-ce qui s'est passé? On a un syndrome qui s'appelle le choc ontologique. Le choc ontologique, c'est qu'une civilisation avancée qui va découvrir une civilisation, on va dire, beaucoup moins avancée, elle va absorber l'autre civilisation. Moi, je pense qu'il peut y avoir éventuellement un pacte de non-ingérence ou de non-agression, un espèce de contrat intergalactique comme ça, où on serait peut-être susceptible d'être mis sous observation pour voir notre évolution éventuellement, et pourquoi pas plus tard faire partie d'un grand groupement, mais je pense qu'on n'est pas assez mature. Je crois que Saint-Jean disait quelque chose, je crois que c'était vendredi soir, il disait qu'en gros, il y aurait une civilisation extraterrestre qui découvrirait nous, les êtres humains, qui verrait que nous, on magouille, on s'entretue, on fraude, on réduit notre propre peuple en esclavage. Je crois que c'est lui qui disait ça. Bon, bah moi, je viendrais d'ailleurs. Bah, qu'est-ce que je ferais? Pour moi, c'est un virus. Il faut détruire tout ça. Il faut détruire ces gens-là. Il faut détruire cette chose-là. Moi, je pense que l'humanité, on est quand même mauvais en fin de compte. On est capable de faire beaucoup de mal. J'allais y venir, en fait. C'est marrant parce que tu parles exactement de ce que j'allais parler. On n'est pas mauvais en soi. On n'est pas mauvais puisque tout le monde n'est pas mauvais. Par contre, on n'est peut-être pas assez évolué. Ça, c'est certain. On est peut-être encore par rapport à d'autres civilisations qui seraient beaucoup plus avancées. Faut savoir une chose. Moi, je suis convaincu qu'une civilisation avancée technologiquement, elle maîtrise l'éthique et le respect de la vie. Pour la bonne et simple raison qu'une civilisation très avancée qui maîtrise une technologie qui peut être utilisée à des fins nocives, mais de façon exponentielle. Imagine une civilisation qui maîtrise l'antigravité. Bon, elle peut s'en servir pour la propulsion, mais elle pourrait s'en servir pour détruire une planète en un quart d'heure. Bien sûr. Donc, on n'est pas forcément des gens mauvais, mais par contre, si on est observé, effectivement, on s'inflige des virus. C'est là la question aussi. Mais nous, qu'est-ce qu'on ferait avec une technologie pareille, comme l'antigravité? Regarde les humains, des gens qui sont jaloux, qui font la guerre, qui ont le vice, qui veulent le pouvoir, le contrôle. T'as un peu tout le monde en fin de compte. Les gens, enfin, si tu veux, qu'est-ce qui se passerait dans le cas-là? Qu'est-ce qui se passerait? C'est pour ça, moi, d'un autre côté, je me dis, oui, avoir des nouvelles technologies, avancer, voyager, aller de planète en planète, mais qu'est-ce qu'on va faire sur les planètes plus tard que l'humanité? Si l'humanité arrive à les visiter, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on détruira tout. On détruira tout. Moi, je pense que c'est ce qui se passera. Je pense pas qu'il y aura des bonnes intentions ou que des bonnes idées domineront. Ça, pour moi, c'est pas possible. D'ailleurs, on va droit actuellement à une catastrophe, à un gros clash mondial. On le sent, ça, je pense. Peut-être que j'exagère un peu, tu me diras, mais j'exagère toujours un peu aussi. Non, t'exagères pas du tout, en fait. T'es dans le super concret et t'as tout à fait raison sur tout ce que tu viens de dire. Mais par contre, là où je suis pas d'accord, c'est qu'on n'est pas tous mauvais. On est dirigé par des gens qui sont vindicatifs, qui sont trop intéressés par l'argent, qui sont belliqueux, qui sont guerriers. Par contre, on est dirigé par une minorité qui a tous les pouvoirs. Je sais plus qui c'est qui disait ils sont grands que parce que nous sommes à genoux, mais effectivement c'est pas l'ensemble de l'humanité qui est mauvaise, qui est guerrière. C'est parce que on a une classe de dirigeants qui maîtrise le système d'influence principale qui est basé sur l'argent. Je pense pas que dans d'autres civilisations l'argent soit une référence. Ça se trouve ça l'est pas, mais quelque part l'argent c'est récent chez nous, hein. À l'échelle, pas de l'humanité, même à l'échelle de l'humanité, le système capitaliste, c'est quoi? C'est 20 minutes en arrière. C'est pas celui-là qui va forcément fonctionner tout le temps. On n'est pas sûr que notre système actuel, ça sera le meilleur. D'ailleurs, tu le dis toi-même, on va vers un gros clash. Donc, moi, je suis convaincu que nous ne sommes pas des mauvais, mais nous sommes en pleine croissance, voire même en puberté. Et que nous sommes observés à partir du moment où on a fait intervenir la puissance fondamentale de l'univers, autrement dit le nucléaire. On est vraiment sous observation depuis qu'on fait exploser des nucléaires. Là où je deviens inquiet quand même, c'est que d'accord, peut-être qu'on est gouverné par des gens qui eux sont mauvais, mais j'ai l'impression que on est en train de nous habituer à être mauvais. Regarde, par exemple, la normalisation de la violence à la télévision. Les guerres, maintenant, moi je joue à des jeux, je joue beaucoup de jeux vidéo maintenant. La guerre, tuer quelqu'un, tout ça, c'est classe, c'est la mode. J'ai l'impression qu'on est en train d'apprendre aux gens d'apprendre aux gens à être mauvais en quelque sorte. On normalise trop de choses maintenant. L'honneur, le courage, aujourd'hui, c'est des valeurs. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. De nulle part. Tu regardes dans beaucoup d'endroits. Maintenant, il faut être fourbe pour t'en sortir. Il faut être fourbe, il faut être menteur, il faut être manipulateur. C'est comme ça qu'on apprend, par exemple, à manager aux gens, à tout ça. Donc, c'est pour ça, moi, je me dis, une civilisation extraterrestre. Elle nous découvre. Faudrait nous tous nous exterminer. Je pense qu'on a un virus quand même. Tu as une vision un petit peu trop influencée par ton contexte socio-culturel actuel. Je vais éviter d'employer des bons mots, mais des mots trop compliqués. Mais je veux dire, tu es très influencé par. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et en fait, tu oublies un petit peu l'impartialité dans le jugement, ou dans le sens où si tu vois ça d'une vision un petit peu plus générale, reprends une vision basique de la vie et de l'existence de la vie et de la création de la vie, du but de la vie. Comme j'ai dit, on nous apprend à être mauvais par la télé, la violence, les musiques qui sont agressives, etc., etc. On va s'éloigner de l'exopolitique, mais je veux quand même répondre à ça. C'est que il y aurait peut-être un but derrière tout ça. C'est peut-être éventuellement pour ces dirigeants. Hein, je ne parle pas de la vie de la classe ouvrière. Pour cette minorité de dirigeants, on est peut-être trop sur la planète. Peut-être que la planète est trop petite. Peut-être qu'on peut pas nourrir tout le monde. Et peut-être que cette classe-là, se sentant un petit peu au-dessus des autres, elle se sent un peu pure. On est peut-être un petit peu dans une espèce d'intégration de l'eugénisme global, où cette classe dirigeante aimerait juste avoir le nombre juste d'esclaves à sa portée. Et pour arriver à ce nombre juste, je rappelle, on sort du thème, mais c'est pas grave, on est dans la libre antenne. Je rappelle que en Géorgie, il y a les Guides Stone. Les Guides Stone, c'est un monument qui a été érigé. J'ai plus la ville en tête, mais en Géorgie, il y a quelques années de ça. Et en fait, sur ce monument, c'est écrit en 8 langues. Donc de telle sorte que ça peut être compris par n'importe qui dans le monde. C'est écrit qu'on doit maintenir la population en dessous de 500 millions d'habitants pour être en équilibre parfait avec la nature. C'est écrit que on ne doit plus avoir du système national mais un système mondial, qu'il faudrait créer une religion mondiale, qu'il faudrait pour éviter les guerres justement créer cette religion mondiale avec un gouvernement mondial, etc. Sur les Guides Stone, ce monument là a été érigé. Si toi demain tu voudrais le souffler, tu aurais les politiques sur le dos parce qu'eux sont très très d'accord avec ça. Donc tu es influencé par la classe dirigeante supérieure, et tout comme moi d'ailleurs, hein, je veux dire, j'écoute de la techno, je mixe même de la techno, qui est de la musique un peu violente. Maintenant, moi, je la vois pas d'une façon violente, je la vois plutôt d'une façon planante et tripante, mais je veux dire, oui, on est influencé exactement par notre contexte socio-culturel actuel. Mais je rappelle, les guerres, l'argent, le pouvoir financier, les familles Rothschild, Rockefeller, etc., les grandes familles qui manipulent ce monde, ça n'existe pas depuis le début de l'humanité. C'est tout récent, ça. Donc on ne peut pas se dire, si on prend un jugement global, on ne peut pas se dire c'est ce système-là qui va faire qu'on va terminer et qu'on sera considéré comme des mauvais par une présence extranéenne ou une autre intelligence. Cette autre intelligence, alors, elle est peut-être en train de se dire... J'ai une question. Oui, attends, je termine. Elle est peut-être en train de se dire que cette autre intelligence, ok, c'est des gosses, ils sont en train de jouer avec le feu, ils découvrent le nucléaire. Nous, on va se montrer pour leur dire attention, les gars, ce que vous faites, c'est pas cool. D'ailleurs, il y a eu une conférence à ce sujet la semaine dernière, le lundi 27, à propos des anciens cadres et officiels militaires américains qui témoignent maintenant à visage découvert sur des bases militaires nucléaires, des bases de missiles nucléaires qui ont été désactivées par des ovnis, qui ont été visitées, où les systèmes se sont mis en sécu, où des tirs de missiles qui ont été interceptés par un rayon qui sortait d'un disque. Ça maintenant, c'est officiel, c'est connu, il y a des conférences, il y a des choses sur la CNN à propos de tout ça. Donc on est sous observation, pour moi, hein, on est sous observation, mais on est des gamins. On est en train de faire du vélo, apprendre à faire du vélo, comme dirait Jonathan, on se casse la gueule, mais ça veut pas dire qu'on va être mauvais en vélo tout le temps. On va peut-être être en train d'évoluer, mais effectivement, sur le moment, je suis d'accord avec toi, on est plutôt dans la violence, la bellicosité, l'argent qui prime sur tout, les valeurs universelles et humaines n'apparaissent plus dans notre système global. Et effectivement, on peut se sentir mal barré. Bah, là, j'ai une question qui me brûle la langue depuis tout à l'heure. C'est toutes ces choses-là qu'on est dominé, qu'on est dirigé par, tu vois, un élite. Et c'est simple, ma question, c'est comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est... D'accord, on constate, on voit qu'on est soumis, on voit que voilà, on nous inculque la valeur de l'argent, toutes ces choses-là. On n'est pas d'accord avec ça, nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il faut subir, il faut continuer. C'est une question que je me pose souvent. Je me dis oui, d'accord, tu sais ceci, tu sais cela, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça aussi la question. On dit souvent que sur Tactical FM, on fait que se plaindre et on n'apporte pas de solution. Mais non, pour moi, on apporte des solutions. Mais par contre, la solution-là, si tu veux, moi, je ne l'ai pas encore entendue. Tu vois, c'est curieux, hein, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Plutôt que, voilà, d'accord, on relate les faits, on voit très bien, on observe, d'accord. Je suis d'accord avec toi pour beaucoup de choses que tu dis. Hein, et de toute façon, oui, en fin de compte, on doit être observé par une race extraterrestre, d'accord. Mais nous, quel est notre rôle là-dedans, si tu veux? Moi, je suis pas Rothschild, je suis qu'un petit agent de maîtrise. Moi, je n'ai pas de pouvoir, j'ai rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je fasse quoi? Que je prévoie le gros clash qui va arriver, construire un bunker dans mon jardin, me préparer à survivre, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer les choses alors par la politique, ou voilà. Bah, ta question, elle est tellement elle est super significative parce que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui et je serais que trop prétentieux pour te proposer une réponse à ça. Je m'y frotterai pas. Il y a des personnes comme Nenki qui proposent des solutions alternatives, comme ne plus dépendre du pétrole en fabriquant des batteries HHO, donc ou d'hydrogène. Des solutions alternatives. Oui, j'avais vu. Voilà, il y a des moteurs à aimant permanent, c'est des nouveaux matériaux qu'on découvre comme la terre rare, le néodymium, qui sont des aimants super puissants, qui sont capables de faire tourner un petit moteur électrique. On lui met 5 volts au cul pour démarrer, il peut tourner pendant 6 ans sans aucun apport, et encore il est surunitaire, il est capable de te redonner de l'énergie. Tout ça existe, les brevets sont libres et sont déposés d'ailleurs sur le site de Nenki et d'autres sites, mais Nenki a eu l'intelligence et la gentillesse extrême de diffuser gratuitement tous ces brevets, des brevets de Tesla et tout ça. Je pense pas qu'il y ait une solution globale. Bon, moi, je peux pas proposer ça parce que je la connais pas. Par contre, la solution individuelle et progressive, elle existe et elle est bien là. On a un paradigme. Le paradigme en vigueur, c'est l'argent. Je le répète, tu l'as dit toi-même, t'en es bien conscient. Maintenant, il y a une chose qu'on peut faire, c'est changer sa mentalité à soi. Si toi, aujourd'hui, tu décides de vivre mieux, de moins dépendre des élites, autrement dit, bah voilà, moi c'est un combat de tous les jours hein, que je mène. Je vais en vélo au boulot, alors que franchement, c'est vachement plus confort de prendre ma bagnole, mais j'évite de mettre de l'essence dans ma voiture, parce que pour moi, j'alimente des riches, et surtout, je fous de la famine aux pauvres. Hein, parce que le pétrole est très mal, il est ponctionné dans des pays où les gens qui détiennent ce pays n'ont même pas une once de la vente de ce pétrole. Hein. Je ne vais pas revenir sur l'Irak et tout ça, mais je veux dire, il y a moyen. La solution, elle est à la fois globale, parce qu'il y a besoin de la masse, mais elle est individuelle, parce qu'elle démarrera par l'individu. Je pense que c'est qu'en changeant de mentalité, en changeant de paradigme, en refusant le système soi-même individuellement, et après en appliquant les solutions collectivement, qu'on peut arriver à quelque chose. Mais je vais te donner une petite note d'encouragement. Cette semaine, hier, il y a eu une grande manif en France, un samedi, ce qui est assez exceptionnel, puisque le samedi, les gens préfèrent sortir. Ils bougent leurs fesses un petit peu contre la réforme des retraites, ils ont bien raison. C'est la deuxième fois en 20 jours qu'on a une manif d'une telle ampleur, 3 millions, je le rappelle, 3 millions de manifestants, bien sûr 252 selon la police, hein, comme d'hab. Mais je veux dire, ça commence à bouger. Moi, je vois du changement. Moi, en ce moment, je vois énormément de changements. Les gens qui attendent un trop gros changement, trop rapide, ne voient pas de changement. Moi, j'en vois un changement de tous les jours. Franchement, je côtoie des gens qui me font comprendre qu'on est en plein changement. Par contre, voilà, on s'éloigne de l'ufologie, mais l'ufologie, c'est un sujet qui est tellement parapsychologique, voire presque mystique, parce qu'il fait appel à la genèse de l'individu et de la vie, et à notre finalité, à notre but dans cette existence. Mais constate autour de toi, tu vas voir qu'en ce moment, les choses s'accélèrent en ce moment. On est dans une période où tout s'accélère et il y a énormément de changements et les élites sont de moins en moins crédibles vis-à-vis de la population. Je veux juste rappeler une définition d'un mot, c'est démocratie. Demos, kratos, le pouvoir par le peuple. On nous a toujours fait miroiter de la démocratie, on n'y était pas du tout. Hein. En fait, on donnait le pouvoir à des minorités. Le peuple est en train de reprendre le pouvoir. Manifestation en Belgique ce mois-ci. En Espagne, monstre, 10 millions de manifestants. Ça s'est jamais vu. En Allemagne, avant-hier à Stuttgart, des vieux, des jeunes, contre des policiers avec des matraques et des lances à eau. À Stuttgart, tu regarderas sur Internet, ça a bien failli, il y a même des vidéos. Non, ça bouge. Nom de Dieu que ça bouge. Oui, mais ça bouge. Tu crois que ça va apporter des bonnes choses aussi? Oui. Bien. Moi, ce que je voulais dire, ce que je vous propose, c'est un petit jeu. Alors, on va se projeter un petit peu dans le futur. On est, disons, au mois de décembre 2012, début décembre, et il y aurait donc un ovni qui vient de s'écraser dans le parc de Disneyland, Disney Resort à Paris. Alors, d'après vous, quels vont être les futurs scénarios? Que va-t-il se passer? Comment on va réagir, etc., etc. Après, ça a coupé un petit peu quand tu parlais. Disneyland, c'est quoi cette histoire? Alors, je disais, on est au début, on est en décembre 2012. Ouais. Jusque là ça va. D'accord, il y a un ovni qui vient de s'écraser à Disneyland Paris, donc Disneyland Resort Paris, en plein milieu de Disneyland. Comment le monde va réagir, comment, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Donc on fait un petit Roswell, mais sur Paris. Enfin, à proximité de Paris. Moi je pourrais, j'ai du mal à me projeter là, parce que pour le coup c'est une situation que j'ai jamais envisagée, parce que je la crois pas possible pour l'instant, et surtout pas en 2012. Bon, maintenant 2012 bien sûr c'est une date fatidique, mais je vais essayer de me forcer un peu les méninges. Qu'est-ce qui se passerait? Ben ça serait une hécatombe, ouais, totale. Une civilisation extraterrestre qui vient se poser et officialiser directement aux yeux de millions de spectateurs et de téléspectateurs, parce que ça serait repris par des caméras et des journaux, etc. On aurait à faire face à un choc psychologique tellement énorme que non seulement le système s'effondrerait, donc les bourses le lendemain seraient fermées, etc. Ça serait pas un mal, je suis d'accord. Oui. Je vois, et qui ferait peur à beaucoup de gens. Rien que pour cette raison-là, parce que ça serait vraiment une catastrophe totale. Rien que pour cette raison-là, et comme je sais que ces civilisations externes sont certainement plus évoluées que nous, donc ont une certaine étiquette et surtout un système d'éthique un peu plus évolué que le nôtre, rien que pour ça, ta situation, elle n'est pas envisageable. Ouais, mais imaginons que ça arrive. Et donc justement c'est devant des millions de spectateurs, il y a énormément de gens. Puis ben ce jour-là il y avait un événement qui était à Resort, il y avait les caméras, il y avait tout le monde, ça s'est aperçu. Donc là le gouvernement pourrait pas cacher les faits. Ça pourrait pas se faire comme un Roswell en 1947 ni quoi que ce soit. Donc là quelle serait justement la politique du gouvernement à ce moment-là, les gouvernements mondiaux, parce que tout le monde serait intéressé, surtout les Américains, les premiers, dire tiens, dommage que ça soit pas tombé sur nous pour une fois, quoi. je sais pas, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Je sais qu'il y en a qui prêcheraient la fin du monde ou tout ça, mais il y en a d'autres, beaucoup plus posés, plus terre à terre et tout ça. Qu'est-ce qu'il adviendrait, quoi? La France, moi je pense une chose. Telle, ou Moi je pense que si ça arrivait, que déjà, ce qui se passerait, si tu veux, c'est comme quand t'es gamin, quand tu te promènes avec tes copains, tu vas dans la forêt et tu trouves une pièce, une pièce en or ou un billet, n'importe quoi. Tout de suite. Dans le groupe, tu vas voir, il y a ceux qui vont vouloir voir ce que c'est, il y en a des autres, dès qu'ils vont le découvrir, ils vont vouloir le prendre à tout prix, il va y avoir des disputes, bien souvent il y a des disputes avec ça, hein, quand ça arrive souvent. Moi je pense que déjà la première chose qui va se passer, c'est que s'ils peuvent rien cacher à personne, si ça arrivait, hein, bien sûr, du drame, toutes les religions, qu'est-ce qui va se passer, merde, il y a des extraterrestres maintenant, alors qu'on avait dit ça, non, je pense que les gens, déjà on va commencer à se battre déjà pour récupérer ça comme des reliques. Tout le monde va vouloir savoir ce que c'est, pourquoi, à tout prix. Je pense qu'il y aura des guerres, même s'il faut, hein. Il y aura quelques... ça m'étonnerait que les gouvernements de chaque pays respectif, ça m'étonnerait qu'ils partagent les informations qu'ils ont eues ou qu'ils trouveraient. Parce que s'ils ont trouvé quelque chose, c'est pour ça, d'un autre côté, je regarde Roswell et tout, si ça se trouve il y a eu d'autres cas comme... La LED, c'en est un bon exemple, alors, pour moi. Ça veut dire qu'on peut... Voilà, pour moi, ce serait dramatique. Si ça se passait comme ça, ce serait dramatique. Voilà, je vous laisse la parole. Pour moi, c'est Ludo. Hein. Pour moi, je vais paraître borné, mais c'est impossible. Si jamais ça se fait, puisqu'il faut s'imaginer la situation, ça serait une catastrophe totale. Je rappelle ce qui s'est passé aux Indiens d'Amazonie et d'Amérique latine. On a une civilisation qui s'est effacée complètement au profit total d'une autre. Donc on revivrait ce fameux choc des civilisations. Je vais juste vous rappeler une petite histoire. Quand il y avait un certain Orson Welles qui avait fait une émission de radio qui avait été assez préjudiciable pour toute une population à l'époque. Pour les gens, oh, les gens sont en flammes, nom de Dieu, et tout ça en direct à la radio. Ça a fait un bordel pas possible. L'Amérique entière s'est sentie neutralisée par une présence extraterrestre. Et il y avait des gens qui ont sauté des immeubles avant même de voir arriver les extraterrestres qui étaient censés arriver dans chaque ville. Les gens sautaient, se suicidaient, pillaient des magasins. Enfin, on a tout de suite fait un démenti parce que c'était une expérience en fait pour moi à la Tavistock où le gars il mesurait même pas du tout l'ampleur de ce qu'il venait d'annoncer à la radio. L'émission de Wells à la radio, c'est très connu, renseignez-vous. Et ça a pris une ampleur phénoménale et ça a été une catastrophe psychologique pour la masse, pour le peuple. Donc rien que pour ça, j'aurais du mal à y croire qu'une civilisation avancée sur nous puisse avoir l'intelligence de se présenter telle qu'elle. Maintenant, j'y ai déjà pensé quand même. Hein. Une race extraterrestre voit qu'on est là, qu'on est manipulé, nous, pas par des ovnis, mais par une élite financière, et qu'on a du mal à s'en dépatouiller, comme je disais à Gloubil tout à l'heure. On est la masse, on est les plus grands, on est vraiment le plus grand nombre d'habitants sur la planète, et on se fait dominer par, allez, on va dire, un petit millier de personnes qui, eux, manipulent tout, nous achètent nos travaux, enfin, nous soudoient, nous manipulent complètement d'un sans an, ça continue à ne pas avancer, merde, ils disent, c'est quand même étonnant, il y a toujours des guerres, ils évoluent pas, ces gens-là, et pourtant la masse n'a pas l'air mauvaise. Le seul moyen, je crois qu'on va devoir les aider, le seul moyen, ça serait d'arriver, de se poser sur Euro Disney pour faire comprendre que voilà, il n'y a pas que les élites sur la planète qui dirigent, il y a d'autres forces dans l'univers, et que en se manifestant comme ça, ok, ça ferait un gros choc, mais ça pourrait déstabiliser un système capitaliste qui reste majoritaire et qui gouverne la totalité de ce monde. Voilà ce que ça pourrait créer. Si cette... ça serait une volonté extraterrestre peut-être de nous aider dans ce cas-là, mais franchement je fais appel à beaucoup d'imagination parce que je suis archi pas convaincu du tout que ces extraterrestres vont se pointer et se poser. C'est une théorie que j'ai toujours rejetée. Maintenant je la respecte, hein, ça fait partie du sujet, il n'y a pas de souci. Mais pour moi c'est impossible. C'est impossible parce que ça va à l'encontre même du cheminement de la vie. Je vous laisse la parole. D'accord. Mais est-ce que ces extraterrestres-là, s'il y en avait, sont là vraiment pour nous protéger, ou alors peut-être que c'est eux qui nous manipulent aussi pour qu'on s'autodétruise, qu'ils aient le champ libre par la suite? C'est possible aussi, ça? Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup de théories là-dessus sur Internet, notamment je fais référence au projet Bluebeam. Assez souvent, le projet Bluebeam, c'est un plan qui aurait été établi par la NASA à la base, dans les années 80, un plan qui se dirigera en 5 étapes où on asservirait l'humanité en créant justement l'illusion d'une invasion extraterrestre négative et belliqueuse, et toujours au profit d'une élite financière qui, elle, par contre, serait effectivement gouvernée de loin par une force supérieure qui dirigerait ces gouverneurs-là à distance. Ça, c'est le projet Bluebeam. Ce qui est un petit peu choquant, c'est que le projet Bluebeam, les trois premières étapes du projet Bluebeam, on les a validées, mais à la lettre, quoi. Donc, on peut avoir un petit peu peur de ça. Mais ta question, elle est loin d'être bête, c'est vrai, c'est que il peut y avoir des forces qui sont là pour justement donner des ordres à nos élites, et nos élites pour nous manipuler au maximum et extraire de nous la quintessence de nos travaux en nous exploitant au maximum. Ça, c'est faisable. Il y en a qui font rapport à justement des histoires, notamment par rapport à des écrits sumériens et des tablettes avec des écritures cunéiformes. Il y a Zecharia Sitchin qui a fait un travail énorme là-dessus, qui a dit que les humains ont été créés par les Anunnakis qui habitaient une planète qui s'appelle Nibiru, qui d'ailleurs doit revenir en 2012, qu'elle revient tous les 3600 ans. Et les humains ont été créés justement pour récolter l'or pour leur planète, parce que ça leur sert à faire un filtre contre les rayons UV, parce qu'ils ont perdu l'atmosphère de leur planète à force des guerres et tout ça. Et l'or leur permet justement d'être protégés des mauvaises radiations de leur soleil ou de leur étoile. Il y a cette histoire-là des Anunnakis qui a l'air bien crédible, parce qu'on a des petites traces, notamment par rapport aux tablettes qu'on a retrouvées à l'ancienne Sumer. Je le cite en Irak, hein, actuel. Nenki est favorable à cette thèse-là, lui. Moi, je me pose des questions. Ça a l'air assez crédible. Ça a l'air même relativement concret par rapport aux écrits qu'on le retrouve sur ces tablettes. Mais voilà, il y a toujours des histoires d'interprétation aussi. Hein. Qui sait vraiment bien lire le sumérien aujourd'hui ? Celui qui sait lire le sumérien aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a un qui lui a dit telle lettre correspond à tel chiffre ou tel sigle correspond à telle lettre. Mais lui, comment on lui a dit que c'était exactement ça puisqu'il n'a pas vécu à cette époque-là ? Donc, je reste un sceptique. Maintenant, oui, une élite, notre élite, nos gouvernants peuvent être manigancés par une force externe et vouloir notre asservissement. Oui, ça, c'est possible aussi. Parce qu'on parle beaucoup d'enlèvement de personnes par les extraterrestres, qui nous dit, bon, parce que tout le monde ne va pas s'en vanter non plus, ce qui est tout à fait logique, pas passer pour un illuminé ou autre, et puis ne pas se faire foutre de sa gueule, par exemple, il se peut très bien que dans les gouvernements, il y ait des personnes qui subissent ces cas d'enlèvement et qui n'en ont jamais parlé, et puis qui manipulent comme ça les gens. Parce que là nous, c'est vrai que l'être humain, quand il naît, c'est une page vierge, et suivant l'influence où il vit, il va s'adapter, et si c'est un monde agressif, il va devenir agressif. Si c'est un monde de gentils, ben il sera gentil. Voilà, donc notre cerveau est vraiment un outil qui s'adapte aux circonstances actuelles de ce qui se passe sur le moment, quoi. Bah oui, c'est ce qu'on appelle le paradigme en vigueur, hein, l'influence socioculturelle. C'est exactement ça, on est une page vierge quand on est, t'as tout à fait raison. Juste pour revenir aux abductions aliens et aux enlèvements extraterrestres, je regardais un petit reportage il y a pas longtemps et il y a quelqu'un qui démentit un petit peu tout ça et qui dit c'est pas possible, ça ne peut pas exister parce que ça se passe qu'aux États-Unis, si ça existait vraiment, ça se passerait dans le monde entier. Je voulais juste dire que ça se passe effectivement dans le monde entier. En tout cas, les témoignages d'enlèvements extraterrestres, on en a dans le monde entier. Je fais référence notamment aux travaux du docteur John E. Mack, qui était le directeur de la chaire de Harvard, la chaire de psychiatrie de Harvard, jusqu'en 91. Il est mort, ce monsieur John Mack, puis à son âme, c'était un excellent psychiatre. Ce psychiatre-là, après une vingtaine d'années d'études sur ces cas qui, à la base, étaient considérés comme psychiatriques, on enfermait les gens, hein, qui disaient « j'ai été enlevé par un extraterrestre ». Et ce psychiatre-là, on a déduit par ses propres études, ses propres recherches, que ces personnes qui se disaient victimes d'enlèvement n'étaient absolument pas victimes d'une pathologie psychiatrique. S'en est suivie une initiative qui s'appelle l'initiative Rockefeller. Donc c'est David Rockefeller qui, bien gentiment, a mis ses fonds à disposition d'une étude nationale américaine. Je crois que c'était en 96, il me semble. On a fait une énorme enquête, un énorme sondage en 10 questions pour savoir combien d'Américains se considéraient enlevés par des extraterrestres. Et on est tombé sur 10 millions d'Américains qui avaient été enlevés au cours de leur vie par des extraterrestres. Alors, est-ce que c'est pas non plus une forme de pathologie, de problème, genre paralysie du sommeil ? C'est un japonais psychiatre qui a trouvé ça, et neurologue d'ailleurs, qui a trouvé ça il n'y a pas longtemps, comme quoi on pouvait se retrouver bloqué dans notre lit et à moitié entre le rêve et le sommeil, dans un sommeil paradoxal. On était paralysé parce que notre corps, en fait, est bien fait. Notre esprit bloque notre corps pendant qu'on fait des rêves pour éviter qu'on tombe du lit, qu'on se casse une jambe. Donc voilà, c'est fait exprès. Pendant qu'on rêve, notre corps est bloqué volontairement par notre cerveau, et il y a un moment entre le passage du sommeil paradoxal et le sommeil léger où on peut rester conscient comme ça et être bloqué. Donc on n'est pas dans le rêve, on est réveillé, mais par contre on est dans la phase de rêve niveau physiologique, donc on a le corps qui est bloqué. Et là, avec l'influence cinématographique ambiante, notamment les films d'Alien et tout ça qu'on voit un peu à la télé, y a tout ça qui revient un petit peu, et on imagine des corps extraterrestres qui nous enlèvent, qui nous font des expériences, prélèvements d'ovules, de sperme, etc. C'est une deuxième possibilité. Je prends pas parti pour les abductions parce que je ne voudrais surtout pas porter du tort aux personnes qui se disent victimes de ça, parce qu'elles sont sincères et honnêtes. Il y a même un monsieur qui s'occupe de retirer des implants qui sont étudiés aujourd'hui et dont on n'a pas vraiment, l'origine, parce que c'est des matériaux qui n'existent pas tels quels sur Terre. on a quand même des preuves physiques aujourd'hui d'implantation, ou du moins de petits morceaux de métaux, mais qui n'existent pas sur Terre, qui existent sur des météorites par contre, qui existent sur des comètes. Et des gens se retrouvent avec ces petits bouts de métaux ou de matériaux un peu spécifiques dans le corps, justement après avoir été victime, d'après eux, d'un enlèvement au cours des dernières années ou même la nuit d'avant. Enfin bref, il y a des gens comme ça aussi, des femmes qui tombent enceintes et au bout de 10 semaines, le fœtus disparaît. Ça, voilà, on a des traces physiques bien réelles, pas une goutte de sang sur le sol, alors qu'il leur manque un œil et l'anus. Pourquoi ? C'est un sujet tellement vaste. Moi, j'ai quasiment abordé tous les sujets sur l'ufologie. J'arrive encore pas à me faire une idée. J'arrive encore pas. Oui, encore les petits bouts de métaux, ça peut s'expliquer parce que avec toutes les météorites qui passent dans le ciel, les poussières lunaires, etc. Il peut effectivement arriver qu'il y ait des micros qui arrivent dans l'atmosphère et qui peuvent tomber sur les gens, et puis on se retrouve avec un petit morceau de métaux ou un petit truc qui puisse venir effectivement d'ailleurs, mais de là être enlevé, je crois pas trop quoi. Bah, moi non plus, sauf que voilà, les enlèvements, j'ai un peu de mal aussi. Par contre, je dois dire que il y a des travaux qui sont faits par un monsieur très connu aux États-Unis, c'est le docteur John Lear. L-E-A-R, pour ceux qui veulent faire des recherches. Ce monsieur-là, donc, est un docteur très très connu et s'est spécialisé dans, le prélèvement d'implants. Hein, il enlève les implants. Alors, lui, il parle d'implants, donc je parle en son nom. Hein. Du petit matériau, quand on essaye de l'enlever, les gens font des bonds de 4 mètres parce que c'est très douloureux. Et quand on arrive à endormir les gens pour faire le prélèvement de ce petit bout de météorite ou de métal inconnu, on détecte une chose, c'est qu'il y a un rayonnement gamma et il y a un rayonnement aussi électromagnétique. Donc il y a une espèce de bip électromagnétique qui se dégage dès qu'on essaie d'extraire l'implant. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça reste quand même assez tendancieux. J'ai du mal, moi, mais par contre, tout ça, ce que je vous dis là, c'est sous expertise et avec des huissiers. Hein. Quand ce docteur John Lear fait des prélèvements, on a vraiment quelque chose. Je crois que Gloobill doit nous quitter, c'est ça? Oui, voilà, je vais vous laisser. Je vais continuer à vous réécouter en direct. Donc, merci de m'avoir invité, Radioactif. Et puis, Ludo, enchanté, de t'avoir rencontré en direct. C'est vraiment intéressant tout ce que, enfin moi ça, j'ai pas fini de réfléchir avec ça parce que ça m'intéresse, mais bon, il y aurait plein d'autres choses aussi où j'aimerais qu'on débatte. Enfin, allez, bonne émission. Et salut. Merci Gloobill, et puis n'hésite pas à venir aux prochaines émissions de Radioactive. Je suppose qu'il en reparlera, et puis aussi le vendredi soir les rapports du Caporal John où je suis là et je parle aussi souvent d'ufologie. Bye. Tout à fait, puis les rapports du Caporal John sont aussi réécoutés, enfin peuvent être réécoutés aussi sur Tactical. Que l'émission, je pense qu'il y a tellement de choses à dire que on risque de déborder un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ludo. Il n'y a pas de souci. Et j'invite les gens qui nous écoutent sur ce podcast là, qui sont pas mal actuellement, pour éviter donc d'utiliser toute la bande passante et qu'on ait toujours la même qualité de radio, c'est de venir sur la Communication Room en allant sur http://radio-actif.z2.cx. Comme ça, vous pourrez écouter l'émission tout comme Subcast. Vous pourrez poser vos questions en direct et aussi vous connecter sur Skype en recherchant radio.actif. Voilà, là on va s'écouter un petit peu de musique. l'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Ose dénoncer. CaptainGotham.com. Ose dénoncer la désinformation. Nous voilà donc de retour sur OpenScape, sur Libre Antenne avec donc notre thème du jour, Mission Roswell. Nous sommes toujours avec Ludo. Je pense que donc c'est une matière à réflexion. Ouais, c'est un sujet qui est assez vaste et je me suis cantonné juste à Roswell parce qu'il y a tellement de zones d'ombre sur ce dossier-là qui est très vaste. Je le rappelle, 614 témoignages, rien que moi j'ai 214 pages de documents et j'ai encore pas fini de découvrir toute la vérité à ce sujet. Donc, mais c'est bien que ça plaise, j'en suis content. Donc n'hésite pas donc à revenir sur notre antenne. Je pense que donc de plus en plus d'auditeurs et de camarades vont nous écouter. Eh ben, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est tout ce qui se passe actuellement. Toutes ces petites choses qui se passent. Est-ce qu'il y a des corrélations quelconques entre la religion et les extraterrestres et ce qui se passe actuellement dans le monde? Alors, je vais répondre avec des pincettes, comme je fais toujours. Donc, mon avis personnel, d'après mes petites recherches personnelles, je pense que oui, il y a fortement, il y a un gros lien en fait entre les deux, et je pense même que c'est peut-être pas un lien, c'est peut-être même une totale intégrité entre les deux. Genre, les religions, on nous a fait énormément miroiter sur des monstres, des démons. La religion musulmane, ils fouillent leur cerveau avec des pincettes et des conneries comme ça. Alors, c'est pas des aliens, hein, c'est des djinns. C'est le fantôme ou le démon, plutôt, je dirais, le démon de la religion musulmane. Le démon du Coran, quoi. Donc, effectivement, c'est plus qu'un lien. À mon avis, il y a un lien. Il y a plus qu'un lien entre la religion et l'ufologie. Je pense que l'ufologie découle directement de la religion, ou plutôt que même la religion des livres, à savoir la Torah ou l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, décrivent parfaitement ce qui aurait pu se passer. On en a fait des livres et on en a fait des croyances. Je pense que la religion découle directement de l'ufologie. Moi, je pense que les démons sont certainement des ovnis, des gens qui ont vu des lumières dans le ciel et qui sont tombés malades le lendemain, ou qui se disent voilà, j'ai été puni par le démon, etc. Je pense que c'est directement lié, et que la religion les livres ont été écrits par des prophètes, des autoproclamés prophètes, bien souvent. Je ne critique pas la religion, loin de là. Hein. Matérialiste, financière et bouffée par le physique, et qui sera en perte de spiritualité, ces livres seraient là pour nous remettre un petit warning de temps en temps, pour nous dire attention, il n'y a pas que nous sur la planète, faut qu'on arrête de se croire le centre de l'univers, et on a des expériences qui sont écrites sur des livres avec des êtres bizarres qui descendent du ciel, qu'on appelle des anges ou des démons, mais qui peuvent très bien effectivement être dans l'Antiquité ou dans les anciens temps des objets volants non identifiés ou autres. Hein. Ça n'est pas du tout incompatible, loin de là, pour moi. Hein. D'accord. Il y a aussi des cas où il y a eu des guérisons miraculeuses, des personnes qui étaient vraiment gravement malades et tout, qui, suite à des enlèvements, auraient été miraculeusement guéries et de personnes. Il y a un cas très très très célèbre de Linda Cortile, que j'ai eu l'occasion de voir à un repas ufologique, qui avait fait un témoignage. Justement, cette Linda Cortile parlait justement de ses expériences qu'elle vivait depuis toute petite. Et en fait, si je ne me trompe pas, je crois qu'elle avait un problème d'asthme, mais chronique, assez méchant. D'ailleurs, elle prenait un espèce d'inhalateur, de ventoline, ou je ne sais pas quoi. Et à sa majorité, donc, elle a eu des enlèvements un peu plus fréquents par rapport à son enfance. Et du jour au lendemain, elle a perdu son asthme. Et surtout, il y a ce qui se rapporte beaucoup aussi, c'est des guérisons miraculeuses. Ça peut arriver, je sais pas. Bien sûr, toujours à prendre selon des témoignages. Hein. On a aucune preuve véritable, hein, toujours. Mais je tiens à le rappeler quand même. Mais il y a aussi des cas de gens qui se retrouvent avec des habilitations qu'ils n'avaient pas avant. Genre des pouvoirs de divination ou des pouvoirs de télékinésie ou la peau magnétique. Il y a eu un autre cas, je ne sais plus comment il s'appelait, Russell, c'est pas grave, je n'ai pas trouvé le nom encore une fois. Je connaissais une autre personne, enfin je ne connais pas personnellement, mais qui a fait un documentaire, qui a participé à un documentaire. Il y a aussi un troisième cas. À la limite, oui, c'est, non, je veux juste te dire le troisième cas. Mettre des aimants ou des choses comme ça dans le corps afin de dire... Enfin, y en a qui doivent extrapoler aussi pas mal, dire qu'ils ont été enlevés, et puis bon, ils se font mettre des aimants sous la peau ou des choses comme ça, et puis hop, la fourchette qui colle, bon, ça c'est un petit peu ce que font les magiciens. Non, ça marche aussi avec le plastique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est pas du magnétisme, c'est de l'attraction de matériaux. Quoi. C'est, faudrait que je retrouve le nom, mais cette personne-là a été justement examinée dans un laboratoire de Los Alamos. Et justement, elle s'est rendue compte qu'elle commençait à être vue un petit peu comme un cobaye et elle a dû se barrer. Elle a dû se barrer en Argentine parce qu'elle commençait à avoir des soucis. Mais je vais dire, non, ça avait été un fait avéré scientifique. Hein. Mais on en a déduit rien du tout. On peut pas dire cette personne a été enlevée. C'est pas possible de dire ça. On peut rien confirmer. Maintenant, oui, effectivement, cette personne-là a tiré les objets. Que ce soit métal, que ce soit plastique, puisque c'était quoi qu'elle avait ? Ah oui, un petit tracteur de son fils. Un petit tracteur en plastique, on le met des habiletés qu'il n'avait pas avant, ça on a dit. Des miracles, des guérisons aussi, ça a pu être témoigné. Mais il y a aussi un troisième cas, et là c'est un petit peu plus dramatique, c'est des gens qui ont des phobies qu'ils n'avaient pas avant. Il y a des gens qui, après avoir eu des expériences nocturnes comme cela, ne peuvent plus prendre d'ascenseur. Sont devenus complètement ascenseurophobes, si je peux dire. D'autres qui ne supportent pas, qui ont le vertige à plat, c'est ce qu'on appelle l'agoraphobie. Elles ne supportent pas les grands espaces. D'autres qui ont le vertige de l'altitude qu'ils n'avaient pas avant. Le phénomène d'ascenseur, c'est assez connu. Il y a un John Mack qui a fait les travaux, je l'ai cité tout à l'heure, et il y a un journaliste et grand reporter de guerre qui s'appelle Stéphane Alix qui a fait une enquête qui s'appelle Stéphane Alix enquête sur les enlèvements extraterrestres. Il en a fait un documentaire aussi vidéo, vous regarderez sur Google Vidéo, vous tapez Stéphane Alix enlèvement, vous tomberez tout de suite sur le documentaire. Et ce gars-là parlait justement de ces gens qui étaient mais horriblement horrifiés par leur expérience et qui se retrouvaient avec des pathologies. Là, c'est l'inverse du miracle. Des gens qui se retrouvaient avec des maladies, des phobies qu'ils n'avaient pas avant. Donc on a bien un changement pathologique physique chez ces gens-là. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'esprit dirige le corps. Hein. Il est utilisé énormément dans le cas des abductions, des hypnoses régressives ou des hypnoses ericksoniennes qu'on appelle, pour essayer de retrouver des souvenirs enfouis, par l'argent et puis par la gloire ufologique, serait tout à fait capable d'induire des faux souvenirs à des gens qui n'en avaient pas avant. Hein. Donc ça, c'est très dangereux aussi. Voilà, on a ces trois cas là qui sont assez remarquables, mais ça nous dit toujours qu'il y a quand même des gens qui, énormément de gens qui se disent enlevés. On reste devant un mystère puisque moi je peux rien affirmer du tout. D'accord. Bon, imaginons qu'il y ait des extraterrestres effectivement, mais de quel système viendraient-ils? Quelle serait leur planète la plus proche éventuellement? Parce que je vois mal, même nous si on le pouvait, faire des millions d'années-lumière de distance pour venir voir une planète, Ça paraît long, quoi. Ça paraît énorme, malgré même si on imagine une science complètement poussée. Dans ta question, tu as donné une réponse, ce qui est bien, et ça va me faciliter un petit peu ma réponse aussi. Tu as dit pourquoi ils viendraient nous voir, nous, sachant qu'ils pourraient avoir des planètes à côté de chez eux avec des autres personnes vivantes. Pourquoi ils iraient loin alors qu'ils peuvent aller tout près? Bon, déjà, ça prouve une chose dans ta question. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas que sur leur planète. Donc on en revient à l'anti-anthropocentrisme où il faut arrêter de penser qu'on est les seuls dans l'univers, quoi. Et cet anthropocentrisme justement qui a été vivement combattu par le siècle des Lumières où la religion voulait maintenir cet anthropocentrisme, hein, la Terre est plate, la Terre est au centre de l'univers et il n'y a qu'un seul être humain qui est la créature de Dieu et le seul Dieu est tout puissant. Moi je te dirais, au lieu d'aller chercher dans le fin fond d'autres galaxies, des systèmes planétaires habités, on découvre des exoplanètes par centaines chaque année dans notre propre système solaire, sans avoir à changer de galaxie. Elle est beaucoup trop petite, mais par contre on a remarqué maintenant qu'on a un autre astre après Pluton. On a donné une référence encore avec des drôles de lettres X je sais pas combien, mais bon, on est en train de découvrir que des mondes, ben, y en a plein. Des planètes telluriques, j'entends par tellurique, c'est-à-dire des planètes solides, hein, avec un sol, pas des géantes gazeuses comme Jupiter, ou voilà. Mais des planètes telluriques, on en découvre quasiment tous les mois. Hein. Donc c'est pas un souci pour de s'imaginer une race extranéenne, ne pas forcément venir de d'années-lumière de nous, elle peut venir de millions de kilomètres seulement. Hein. Donc ça élimine un petit peu le problème des distances incommensurables. Et puis je le rappelle, les distances incommensurables, on les voit avec notre propre niveau technologique. On s'imagine des difficultés dans une technologie qu'on ne connaît pas encore. Donc on a encore toujours ce problème d'anthropocentrisme, une fois de plus. Hein. On voit la chose avec notre propre niveau à nous. Au LHC, donc Large Hadron Collider, donc le plus grand accélérateur de particules au monde, qui est au CERN en Suisse, à côté de Genève. C'est un accélérateur qui fait, je crois, 35 km de diamètre, un grand souterrain circulaire qui passe entre la France et la Suisse, et on arrive à approcher les vitesses des électrons à la vitesse proche de la lumière. On vient de découvrir des nouvelles particules, et ces nouvelles particules nous font dire qu'en fait, on n'a peut-être pas que trois dimensions. Deux dimensions d'espace et une de temps. Quatre dimensions, pardon. Trois dimensions d'espace et une de temps. On a peut-être d'autres dimensions. Ils sont en train de chercher une particule qui s'appelle, ils appellent ça la particule de Dieu, mais en fait, ça s'appelle le boson de Higgs. Higgs, qui était un grand scientifique des années passées, du début du 20e. Et donc ce boson de Higgs, en fait, si on arrive à découvrir sa fonction, parce qu'on sait qu'il existe, on le cherche justement avec ce collisionneur de particules, si la découverte est confirmée de ce boson de Higgs, on sait qu'on n'a plus quatre dimensions, on en a forcément une autre. Et cette autre dimension, en fait, c'est la gravitation. Aujourd'hui, on a le temps, on a la longueur, la hauteur et l'épaisseur, si je puis dire, hein, la largeur. Et maintenant, on est en train de chercher une autre dimension qui est la gravitation. La gravitation qui ne serait pas une force en elle, mais plutôt une dimension bien à elle. Et cette gravitation, si on l'utilise en tant que dimension, on a la gravitation positive et la gravitation négative. Ce qui fait qu'on se retrouve avec la gravitation deux fois, en plus des dimensions d'espace et de temps. Qui nous fait la gravitation fois 2, fois 4. On serait à 8 dimensions. Et ça, on est tout près de le découvrir. Hein. On le cherche. Les scientifiques qui sont à Genève en sont convaincus. C'est une histoire de temps avant de découvrir qu'il y a eu. Guillaume, tu nous entends ? Je pense qu'il est en train d'affiner son micro actuellement. Donc, il vient de se connecter. Il sera présent un peu plus longtemps à partir de 17h d'ailleurs. Donc Guillaume n'est pas là. D'accord, Yann. Non, Guillaume n'a pas l'air d'être présent. Je crois qu'il a un problème de micro. D'accord, ben on va continuer là-dessus. Tu disais que bon, le problème d'année-lumière, enfin de kilométrage, ne serait pas un problème, mais quand même, on voit bien que pour se déplacer, il faut quand même une sacrée technologie, quoi. Même en utilisant le système de cordes ou l'antigravité. Il y a un moment où même le corps ne pourrait pas résister au jet que ça peut provoquer, parce qu'il y a quand même une limitation dans le transport que... Plus on va vite et plus on est collé au siège. Ce n'est pas forcément une vérité prouvée. Il y a Einstein, quand il a découvert la relativité générale, il avait fait une petite traduction très simple en disant tout ce qui est en haut, égale tout ce qui est en bas. En gros, la relativité générale dit quoi ? Ça veut dire que quelle que soit la force et quelle que soit la distance, tout est relatif. Il y a Mikio Kaku qui disait il n'y a pas longtemps aussi... on a découvert en fait avec les horloges atomiques, donc les horloges les plus précises qui existent au monde, hein, que le temps n'est pas le même partout. Si le temps n'est pas le même partout, c'est qu'il y a une distorsion dans le continuum espace-temps, ça veut dire que l'espace non plus n'est pas le même. Si l'espace et le temps ne sont pas le même, la gravité n'est pas le même. Si la gravité n'est pas le même, ça veut dire qu'un corps qui subit une poussée n'est pas forcément tordu dans l'espace comme il serait sur Terre. Donc là, pareil, matière à discussion. Hein, matière à découverte future. Moi, je vous conseille une chose, suivez de très près les travaux du CERN en ce moment et du LHC de Genève. Ils sont en train de faire des découvertes stupéfiantes, notamment la téléportation de nanotubes de carbone. Donc, autrement dit, on n'est plus à la téléportation d'électrons, on est déjà à la téléportation de matière. Ils savent le faire. Bon, bien sûr, pas de matériaux vivants. Hein. On est vraiment sur des particules très très fines qu'on arrive à dématérialiser à un endroit, à canaliser dans un tour un petit peu les découvertes qu'on fait actuellement. Je le disais tout à l'heure à Globil, tout s'accélère. On est en train de faire une grande évolution et un grand pas en avant. Je rappelle les énergies libres, l'antigravitation. On n'est pas loin, ça se trouve c'est déjà fait, mais bon, on ne nous dit pas la vérité aussi. Ça se trouve les ovnis qu'on voit dans le ciel, notamment j'ai un petit doute avec celui de la vague belge en novembre 90. Je me rappelle, j'étais présent, j'ai pas vu l'appareil, mais j'ai vu le reportage qui en a suivi à la télé aux 20h. Il y a un appareil tout bizarre qui faisait la taille d'un stade de foot, que des milliers de personnes ont vu, pardon, à plusieurs endroits en même temps en Belgique et en France. Ce qu'il y a quand même de bizarre, c'est que tout ce qu'on avait pu lire enfin, dans les petits livres de science-fiction qui remontent déjà à des bonnes dizaines d'années ou à des séries de science-fiction et tout ça, on voit que je ne sais plus dans quelle série et tout ça, où il y avait des écrans plats et que maintenant ça arrive, maintenant il n'y a plus que ça, les oui. disparaissent. Il y a beaucoup de choses justement sur les extraterrestres et tout, et qui sont plausibles maintenant. Alors qu'à l'époque, ça passait pour de la science-fiction. Ah, tu as exactement la réflexion que j'ai eue hier avec mon meilleur ami. Il me disait... Mais par contre, il me dit, c'est vrai que ton histoire, comme quoi, quand on regardait Star Trek dans les années 80, machin, 85, on voyait des écrans plats, on se disait, waouh, des télévisions qui font 2 cm d'épaisseur, ça se verra jamais, il faudra toujours un tube cathodique derrière et tout, ou alors des enceintes qui font 1 mm d'épaisseur et il y a un super son qui sort, ou alors le visiophone. Le visiophone, tiens, dans Terminator ou dans je sais pas quoi. Le gars il parle et puis il voit la personne. Attends, mais il y a 10 ans de ça, moi je regardais ça, j'ai dit, mais le jour où j'ai un visiophone, je serai le plus heureux des mecs. Aujourd'hui, bon ben voilà, j'ai un téléphone 3G comme tout le monde, j'ai pas cité de marque, mais je veux dire, c'est normal de voir la personne que j'appelle, quoi. C'est banal, quoi. Mais c'est terrible. En fait, il faut voir un truc dans tout ça. En fait, on est dans une pleine évolution, mais c'est tellement progressif qu'on s'habitue à l'évolution technologique. Et on s'habitue tellement à cette évolution qu'on se dit, voilà, c'est normal, c'est les résultats aboutis de plusieurs années de recherche par des ingénieurs, des scientifiques et tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais nom de Dieu, on a fait tout ça en 40 ans. On a fait tout ça en 40 piges. C'est rien, 40 piges. On a fait en 40 ans ce qu'on n'a jamais fait en 3600, en 3000, en 3000 ans. Quoique, on a découvert des piles à Bagdad pendant la guerre d'Irak. Mais bon, autre sujet. Mais bon, soit. Je veux dire, on a quand même fait énormément de découvertes. Tout à l'heure, il y a Gloubil qui disait en ce moment, ce qui se passe, tout machin, la guerre, les agressions, les Illuminati, les élites qui nous gouvernent, l'art chinois ou japonais, comme ils étaient assez bons dans l'Antiquité. Et c'est l'histoire d'une petite grenouille, en fait. Une petite grenouille, voilà. Vous la mettez dans de l'eau bouillante, vous la prenez dans les mains, vous la mettez dans de l'eau bouillante, hein, une petite marmite d'eau bouillante sur un feu de bois. Elle va se débattre et elle va tout faire pour en sortir immédiatement. Ok, ça c'est clair et net, elle va se sauver la mise. Cette même grenouille, vous la mettez dans de l'eau froide. Cette gamelle d'eau froide, vous la mettez sur un feu. Eh bien, elle terminera morte et bouillantée sans même s'en rendre compte. J'en parle à plein de gens, ça fait 2 ans que je dis aux gens, mais attendez, le capitalisme, il va se casser la gueule, vous inquiétez pas, ça va arriver très bientôt. Oui, mais quand? C'est quand la date? C'est quand que les œufs atterrissent? C'est le 21 décembre 2012? C'est le 27 octobre 2011, c'est quoi la date exacte là? Parce que nous, on en a marre d'attendre. Moi, aucune prétention, je n'ai pas de date à donner aux gens. Je veux juste que les gens ouvrent les yeux et regardent autour d'eux. Et imagine que chaque jour est un jour nouveau, mais est un jour différent. J'ai aucun problème avec ça. Tous les jours, ne serait-ce que par le biais d'Internet, veulent un changement radical du jour au lendemain. Je les comprends tout à fait. Mais il ne faut pas attendre un gros changement radical qui vient des autres. Il faut induire le changement par soi-même, en acceptant de voir que devant sa porte le matin, eh ben tiens, en ce moment, la nuit, moi quand je pars distribuer mes journaux parce que je travaille la nuit, je vais distribuer mes journaux, ben, je vois que Jupiter en ce moment est sacrément lumineuse et n'a jamais été lumineuse comme ça. Je me suis renseigné depuis avec le CNES, j'étais en conversation avec eux encore il y a 2 semaines, oui, Jupiter n'a jamais été aussi lumineuse que ça. Tiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, y a un élément en ce moment dans notre système solaire qui fait que on a des planètes qui sont plus lumineuses, qui renvoient plus de lumière. Ça veut dire que le Soleil serait dans une phase active ou en plein changement. La NASA dit aussi, et je sais pas quoi, et la télé-réalité, on n'en prendra rien. Donc, radioactif, c'est juste pour te confirmer, le changement, il est en cours et il est grand. Merci. Il y a donc aussi une histoire là sur l'invasion extraterrestre sur toutes les grandes villes du monde qui devrait bientôt se produire. As-tu plus de renseignements dessus? Parce que c'est quand même assez proche. C'est le 10 ou le 13 octobre, il me semble. Alors là, c'est un gros clin d'œil que j'ai fait parce que justement, j'ai tellement de gens autour de moi qui me disent. Ouais, mais c'est du bidon, tout ça, on n'a jamais de date, les gens se mouillent pas, les scientifiques ils n'osent pas parler, ils veulent garder leur boulot. Et là, j'ai trouvé bien ce monsieur-là, parce que lui, il se mouille pour une fois, alors lui il a carrément... Lui, alors moi, je vois pas où ça décrédibilise quoi que ce soit, parce que, comme je le dis, ici, on n'est pas croyant, on s'informe. Par rapport à ça, en fait, c'est un officier du NORAD, donc c'est un gars qui a quand même une certaine carrière en haut lieu, quoi, hein, puisque ancien officier du plus grand système de radar nord-américain, qui est un système aujourd'hui qui détecte n'importe quoi, qui rentre dans la sphère états-unienne. Ah ben lui, il parle que on est observé depuis un bon bout de temps et que on est en train de détruire l'atmosphère de la planète et donc indirectement la planète en elle-même. Et que ceux qui nous observent, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ne vont pas nous laisser détruire notre planète nous-mêmes. Parce que sinon on détruit notre planète, c'est un équilibre, l'univers, la galaxie, notre système solaire est un équilibre. Si on détruit notre planète, on va forcer. Et que ça sera effectivement le 13 octobre 2010, un affichage massif dans les grandes villes de d'OVNI. Alors j'avais... Oui, c'était McFly, Unloveful McFly, qui me disait « Je décroche totalement, ça décribilise tactical ou je sais plus quoi. » Et j'ai dit en fait, « Mais attends, cette date, elle est soit bonne, soit nulle. Dans les deux cas, on aura une information. Et c'est ce qu'on veut dans tactical. On veut des infos. » Et sur Radioactif, je suppose pareil. Soit, il se passe un événement, ou plusieurs, auquel cas on n'aura pas perdu de temps à lire l'article, on fera attention aux prochaines déclarations de ce Mr. Fulham. Monsieur Fulham, hein. En deux, il se passe rien. Bah, dans ce cas, une info valable, il faut oublier ce monsieur Fulham. dans les deux cas, on aura appris une chose. Et je lui avais mis, c'est en s'éloignant de la connerie que l'on s'approche de la vérité. Et il m'avait répondu, tatati, tatata, machin. Et là, je me suis un petit peu énervé. Je dis, je crois que tu n'as pas encore compris qu'on est tous sceptiques ici. Tu n'es ni le seul à être conscient, ni l'ultime personne à avoir un jugement honnête et pragmatique. Il me dit, pourquoi t'as mis must-see? Must-see, ça veut dire c'est important et tout, c'est pas du journalisme et tout. J'ai dit, mais must-see. Must-see, ça veut dire qu'il faut que ça soit vu. J'ai dit, d'ailleurs, Star Trek aussi, pour moi, c'est un must-see. Il m'a dit, ok, machin, tata, je reste sceptique. Je lui dis, ici, personne ne croit, hein, c'est que nous qui pourrons nous sauver, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le changement de conscience et de paradigme, il viendra que de nous-mêmes. Et voilà. Par rapport à cet officier, ben voilà, on est bientôt fixé. Le 13 octobre, on aura deux informations. Hein. Soit il se passe quelques événements ufologiques, notamment des rapports d'observation. Alors, quand même, il faut préciser, hein, il a dit que ces appareils n'interagiront pas avec la Terre. Ils se présenteront uniquement, ils ne se poseront pas. Il n'y aura ni bruit, ni quoi que ce soit. Il n'y aura pas de contact avec des entités. C'est juste pour une prise de conscience globale. Pour qu'on arrête de penser qu'on est tout seul et qu'on peut faire ce qu'on veut sur notre planète et en l'occurrence, dans son cas, la détruire. Donc pas d'interaction, mais si jamais on voit deux ou trois rapports d'observation dans trois grandes villes en France, on pourra dire que ce monsieur n'a pas faux. On pourra pas dire que ce monsieur racontait des conneries. S'il se passe rien, eh ben c'est pas grave. On l'oublie. Monsieur Fulham, il sera zappé, il sera plus sur tactical, et on saura que la prochaine fois qu'on voit un article là-dessus, eh ben on n'aura même pas besoin de le lire. Donc dans les deux cas, on aura une bonne information. D'accord. En ce qui concerne donc les extraterrestres, il y a aussi des micro-organismes qu'on a trouvés un petit peu partout, notamment au pôle Nord. Enfin, des nouveaux organismes qui seraient donc là depuis des millions d'années et qui feraient peut-être issus d'origine extraterrestre. Bon, ça je doute un petit peu puisque ces micro-organismes, je pense qu'ils peuvent avoir été là déjà bien avant, bon, être congelés et puis revenir à la vie quelques millions d'années plus tard. Ça s'est déjà vu notamment quand on regarde les microbes qui reviennent en permanence quoi après une longue période de sommeil. Donc c'est un effondrement gravitationnel. Le soleil central n'a plus d'hydrogène à transformer en hélium et il s'effondre. Titus, tu vas te calmer. Je suis désolé. Hein. Il est plus chez moi, mais il fait du bruit. Mais ce que je veux dire, c'est que il est aujourd'hui reconnu que les acides aminés ne viennent pas forcément de notre planète. Par contre, là où tu as raison, c'est qu'on connaît des micro-organismes où l'eau aux alentours, elle n'est pas en ébullition parce qu'elle est bourrée d'hydrocarbures, donc elle n'a pas le même degré d'ébullition, mais par contre, elle est à plus de 150 degrés l'eau, hein, il n'y a pas de souci. Et ces micro-organismes-là se nourrissent de quoi? De la chaleur ou des gaz. C'est des micro-organismes qui sont vivants malgré une colonne d'eau de 9 km de haut au-dessus de leur tête et une température ambiante de 150 degrés. Donc il n'y a pas de souci, effectivement, on peut très bien avoir des petits organismes comme ça qui peuvent soit venir de l'extérieur ou soit venir effectivement de la planète. Moi je suis convaincu que il faut être logique, hein. La Terre elle a un certain âge, l'univers il en a un autre, c'est établi maintenant, hein. La datation carbone 14 etc. on connaît. L'analyse par imagerie par Hubble de ce qu'on appelle le dernier rayonnement fossile de l'univers ou les premiers rayonnements fossiles, on sait maintenant que la Terre est récente. Donc si la Terre est récente, la vie elle vient pas de la Terre, hein, je suis désolé, hein, elle vient de en dehors de la Terre. Donc la vie elle-même est extraterrestre par définition. Je crois qu'il faut aussi désacraliser le mot extraterrestre, hein. Extraterrestre ça nous fait trop penser à Alien et à E.T. Extraterrestre c'est ce qui vient pas de chez nous. Et nous, on ne vient pas de chez nous. Hein. On est peut-être, nous, nés sur notre planète, mais l'origine de nous, hein, c'est-à-dire nos lointains cousins, les bactéries, les amibes et tout ça, c'est pas forcément né chez nous. On avait peut-être des microbactéries qui viennent d'une comète et qui sont rentrées en collision avec la Terre, et de là, avec des orages et des coups d'électricité, comme on arrive à faire en laboratoire, ils sont forcément venus de quelque part Et comme la Terre n'est pas la plus vieille hein, de notre système, ni même de notre galaxie, ni même de l'univers, forcément, on vient. Nous sommes des extraterrestres. Pas directement, mais indirectement, on l'est totalement. Donc je suis totalement convaincu qu'on peut découvrir des micro-organismes et prouver qu'ils ne sont pas de chez nous. Hein. Mais il y en a chez nous qui naissent chez nous, effectivement, dans des températures et des pressions phénoménales, et c'est possible. Tout à fait. Et puis aussi la radioactivité qui est là aussi pour quelque chose, puisque... Vous avez le retour des chevaux de Kowalski. Les chevaux de Kowalski qui n'avaient jamais vécu là-bas, hein. C'est des chevaux polonais, qui maintenant se plaisent très très bien, qui broutent de l'herbe que nous on mange, on meurt en 4 semaines d'un cancer foudroyant. Et ces animaux-là n'ont pas une once de radioactivité dans leur panse. Hein. Donc effectivement, raison de plus pour affirmer ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, on n'arrête pas de découvrir. Là, on vient découvrir que Tchernobyl est invivable pour nous. Par contre, la faune et la flore qui là-bas s'est adaptée, elle vit sans problème avec des dosages de 200-250 millirengen. Hein, donc il n'y a aucun problème là-dessus et on voit bien que rien n'est impossible. D'accord. Voilà, bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui pouvait être possible et inimaginable sur le sujet extraterrestre. Roswell, on a fait le tour aussi grâce à ton dossier qui était hyper complet. Je pense que tu nous as tous bluffés sur ce coup-là. Je suis pas le seul à le dire. C'est gentil, merci. C'était vraiment très très sympa. Tu m'entends ? Allô, allô ? Allô ? Ah, je pense qu'on a perdu Ludo. Bien, je pense que Ludo va revenir en attendant. Allô ? Donc en attendant, je pense qu'on va écouter de la musique et on est à vous d'ici quelques minutes. Et bien de retour sur Radioactif, nous avons retrouvé Ludo. Donc voilà, ben Ludo, si tu es là, on t'écoute. Pour le petit mot de la fin, donc je viens d'être victime d'une coupure de courant. Donc c'est pour ça que j'ai disparu. Je suis réapparu, je suis bien là. Je voulais juste remercier votre équipe et puis Radioactif effectivement pour m'avoir invité. J'étais super bien accueilli. Je vous remercie pour tout ça. Je disais aussi que j'ai beaucoup de dossiers comme ça en stock avec beaucoup de révélations récentes puisque j'ai une fâcheuse tendance à tout le temps rechercher un petit peu les nouveaux témoignages, les nouveaux documents. Je suis énormément la déclassification par la loi FOIA, Freedom of Information Act, donc les documents sur Roswell, sur l'expérience de Philadelphie, sur d'autres expériences de la CIA. Beaucoup de nouvelles sur le 11 septembre aussi, où je dois faire une émission spéciale avec le rapport de Caporal John. Donc, merci à vous tous. Continuez ce que vous faites, parce que c'est très important d'avoir des médias alternatifs. On n'a pas beaucoup de choses comme ça en France, et c'est très important que les gens aient une deuxième vision des choses pour se faire leurs propres idées. Je rappelle que je ne crois en rien de ce que j'ai dit, je suis convaincu par beaucoup de ce que j'ai annoncé. Par contre, j'espère avoir partagé un maximum d'informations et de pas trop avoir été décevant pour tout le monde. Et je vous adore et à très très très très très bientôt. C'est nous qui te remercions, Ludo, parce que ton dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure, était très très complet. Eh bien, du sujet préféré du caporal John. Où est-ce que c'est ? Sujet préféré de caporal John, la conspiration en général. Hein. Ouais. Voilà, exactement. C'est de ça qu'on va parler. Donc c'est de toutes les conspirations et tout ça. Donc j'invite tout le monde à venir participer. Et puis, s'il y en a qui ont des dossiers et tout ça, justement, nous les faire partager comme aujourd'hui Ludo a fait. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des syndicats. Je pense que ce sera avec Jens. Jens, tu es là ? Tu es toujours en ligne ? Non, il est plus là. Bon, c'est pas grave. Donc, ça sera Jens qui va nous parler un petit peu des syndicats, leur fonctionnement et tout ça. Et puis, il y aura un débat comme aujourd'hui. Je pense que le débat d'aujourd'hui a été assez sympa. Je sais pas comment tu l'as trouvé, Ludo. Adorable. Pense qu'on a fait tout le tour de ce qui était possible. Oui, on a fait un bon tour d'horizon, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup plus. J'ai essayé de limiter les infos, mais on a fait un très très bon tour d'horizon et c'est bien parce qu'on a vu un petit peu tous les aspects de l'ufologie. Donc, je suis très très content de cette émission. Eh bien, écoute, tu peux revenir quand tu veux. On est là à ton écoute. Merci beaucoup, Ludo. Et si tu étais juste à côté de moi, je t'offrirais une bière. Voilà, donc c'est reparti en musique. Et puis donc on se retrouve dimanche prochain avec pour sujet les syndicats. Ciao, bye bye. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. Ciao. Let's get it on. Hold it right there. It's time I slowed you down. Et ça va être un thème chaque dimanche à 14h heure de Paris, 8h heure de Québec. À dimanche prochain pour les syndicats.